Bonjour et bienvenue à un autre guide de l'utilisateur d'assemblage requis sur une grosse pointe en dresse. Tania Baudin est là. Avec Mathieu Plante. Oui, depuis la dernière émission, on s'est fait installer un spa. Oui, t'as enlevé tes bas, encore une fois. Mais encore une fois, mais dans le spa, c'est normal d'enlever ses bas. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait un petit foyer, tu sais. Oui. Là, un spa. La peau d'ours, c'est toujours là? Ben oui, évidemment, la peau d'ours, c'est un incontournable. Ça le prend. Tania Baudin est toujours nue? Non, c'est pas. Pas tant, en costume de bain. Et voilà. Absolument. Presque. Presque. Mais on a la température pour, hein? Exactement. Ça va être les fêtes, il fait pas mal chaud. C'est ça. Mais bref, on a encore un autre trois heures pour vraiment écouter les chroniques d'une grosse pointe relève qu'on a fait à travers l'année. Là, on est rendu dans le mois de mars 2015. OK. On va avancer jusqu'à un moment donné, à la fin de l'émission, tu vas apparaître comme par magie. Oh, comme ça, bon, comme ça? Par magie. Donc, dans la première heure, bon, encore une fois, on est stické. Là, la dernière fois qu'on s'est parlé à la fin de l'émission, on était sur les jelly beans, gomme jelly beans. Là, on est sur une autre affaire au jelly bean. OK. Une autre affaire au jelly bean. Je me rappelle pas c'est quoi la différence entre les deux. Là. Je me rappelle qu'il y avait comme deux produits de jelly bean. Je sais pas si l'un c'est une gomme, l'autre c'est d'autres choses. En tout cas, peu importe. Il y a des jelly beans dans cette heure-ci. Il y a aussi du chocolat aux noix et à la guimauve. Oh, mais ça doit être très bon, ça. S'mores. Oh, des style. S'mores en ça plus. Ça va bon, ça. Ça va bon. Excellent. Mm-hmm. Mais on commence avec quoi? Avec des barres tendres pommes caramel. Oh, hey, c'est ma saveur préférée. Je te gâche. Une chance, je n'y ai pas goûté. Une chance. Hein? Ah, parce qu'il y a des pommes. Peut-être que je serais morte. T'es allergique aux pommes. C'est vrai. Mais c'est pas grave, Steph, elle ne l'était pas, donc c'est elle qui l'a goûté. Voilà. Ben, c'est le moment de passer à la chronique où on mange quelque chose. Dans notre bouche? C'est la tradition, dans notre bouche. C'est la traduction même. In our mouths. Et on fait ça en alternance, donc une grosse pointe en dresse et Master Steph, cette fois-ci, ben c'est une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la collecte dans laquelle on goûte un produit du marché, que ce soit un dépanneur, une épicerie, une grande surface, peu importe, on trouve un produit qu'on n'a pas encore goûté, en tout cas que moi j'ai pas goûté parce que c'est moi qui l'ai choisi, et Steph, ben quand tu as déjà goûté, ben tu fais semblant que tu n'y as pas goûté. Mais d'habitude, non. Ben tu goûtes à des choses un petit peu plus naturelles, un petit peu meilleures pour la santé d'habitude, toi. D'habitude. T'essayes pas vraiment des nouvelles barres au chocolat, des nouveaux sacs de chips? Non, t'attends que je le fasse. Mais en fait, je suis très ancrée dans mes classiques. Là, tu dis ça comme si je mangeais pas de cochonnerie, ce qui est totalement faux. J'essayais là. De donner l'illusion. Mais non, je peux te dire que, on a fait l'épicerie, il y avait pas de Lay's au ketchup, mais j'ai envoyé mon chum au dépanneur. Oui, oui. Ça, je voulais mes Lay's au ketchup. C'est important, c'est une question d'unité nationale. Ketchup, c'est la saveur fièrement canadienne. Voilà. Donc aujourd'hui, Steph, tu te rappelles peut-être la semaine passée, ou il y a quelques temps, récemment, fait pas longtemps, on a parlé de beignes avec Gabriel Béhout dans la chronique de la lutte. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu te rappelles que j'ai dit ma sorte préférée de beignes chez Tim Hortons? Je me souviens que tu l'as dit. Je l'ai dit, t'as dit « Ah non, moi j'aime mieux mes classiques », tu sais, parce que tu dis tout le temps que t'as mis tes classiques, c'est vrai pareil. T'sais. Ouais, tout, c'est une espèce d'affaire bizarre. C'est toujours des affaires bizarres. Deux saveurs qui vont comme pas ensemble, mais je dois pas être le seul à trouver que c'est la meilleure, parce que vient de sortir sur le grand marché public canadien une version en barre tendre de ma beigne préférée. De ta beigne. De mon beigne préféré. On achète à Trois-Rivières, ça paraît. Ouais, j'avoue. C'est les nouvelles Chocomax pommes caramel. Quoi? Pommes caramel. C'est bizarre. C'est mon beigne préféré chez Tim Hortons. C'est pommes caramel de loin. De vraiment loin, tu sais. Donc, Chocomax, produit de Leclerc, là, je pense que c'est pas les bartenders les plus underground au monde. Non. C'est sûrement même les plus achetés parce que c'est pas mal les. Ben, pas les moins chers, ça marque maison. Ils sont très bonnes. Ouais, exactement. T'as un coupon de 75 cents de rabais à l'intérieur. Oh! Donc, pour que ça coûte encore moins cher. Tu veux courir la chance de gagner une tablette? Une tablette, pas une tablette de chocolat! Non, c'est 100 prix. Non, un 6-pack. C'est une tablette sans prix instantané au choix, donc des téléphones et des tablettes Apple, plus un voyage pour 4 personnes à Fairmount, Chandler Whistler. Donc, pour leur faire de la pub, leclerc.ca, bravo. Donc, c'est ça, 8 bartendes. C'est ce que je trouve vraiment cool quand même des bartendes Leclerc. T'en as beaucoup dans le bois. Il y en a 8? T'as 8 bartendes. D'habitude, c'est 5, oui, oui. 6. Mais c'est des petites. T'sais, ils donnent l'illusion que t'en as plus, mais en termes de grammes, c'est 256 grammes. Bon, quand même. On nous dit que c'est certifié sans arachide, absence d'arachide complète, certifié sans allergène, quand même cool. Hein? Hey, décroche là, t'étais juste obsédé à enlever le petit bubu puis tu répétais la même chose. Il y avait un cheveu, je voulais vraiment enlever le cheveu. Donc, ingrédients, chocolat au lait, bien sûr, hein? Liqueur de chocolat, quand même, sucre, beurre de cacao, substance laitière.

pour pouvoir manger gratuitement à l'aéroport pendant un an. C'est un homme de Chine qui a trouvé la façon parfaite de se faire des dîners gratuits jour après jour. Donc, c'est un homme qui est encore anonyme qui a acheté un billet de première classe complètement remboursable sur Eastern China Airlines, OK? Donc, à la Xi'an International Airport, où les gens qui voyagent peuvent savourer un repas gratuit. Quand t'es VIP, tu manges gratuitement. Donc, pendant presque un an, il venait à l'aéroport, mangeait sa nourriture gratuite, remettait son vol au lendemain, parce que tu avais le droit de rescheduler, remettre à l'horaire pour plus tard. Il revenait, il mangeait un repas gratuit, il remettait son billet au lendemain, à chaque fois pendant un an. Éventuellement, les gens de chez Eastern China Airlines ont remarqué quelque chose d'étrange. Ils ont allumé. Ouais, mais seulement après que le même billet ait été rebooké plus de 300 fois. Wow. Et l'homme aurait présumément mangé 300 repas gratuits. Donc, on a confronté l'homme, il a arrêté tout de suite. Il pouvait pas faire grand-chose, les gens de chez Eastern China Airlines, parce qu'il faisait juste suivre les règles. Il a retourné le billet, il s'est fait rembourser. Donc, dans le fond, il a mangé 300 fois gratuitement. Et en plus, le billet d'origine, qui reschedulait, s'est fait rembourser. Wow. Une porte-parole pour la ligne aérienne a dit que c'était très rare que ça arrive, ce genre de choses-là. Mais à moins de fermer l'échappatoire, c'est probable qu'on va revoir ce genre d'histoire. Ah non, mais il est brillant, là. Un génie. Il est un petit peu abusé, par exemple. Ouais, ben c'est ça. Mais en même temps, aucune conséquence à ses actes. Il est remboursé puis il a mangé 300 repas gratuits. Ouais, mais tu peux pas vraiment donner une conséquence à quelque chose qui n'est pas illégal. C'est ça. Et le gars est encore anonyme. Fait que tu sais, il pourrait le laisser dans une autre ligne aérienne s'il voulait. On sait pas son nom. Mais on sait pas, peut-être que c'est pas comme ça partout non plus, là. Peut-être, on sait pas. On sait pas, on s'est pas trop renseigné non plus. Bref. Voilà pour une grosse pointe en dresse. Il me reste encore un paquet d'autres nouvelles. On fera ça une prochaine fois. Maintenant, les mardis, en fin d'émission, c'est toujours la chronique où on mange quelque chose. Cette fois-ci, c'est une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe en dresse, c'est la chronique dans laquelle on mange un produit du commerce, que ce soit au dépanneur, à l'épicerie, dans une pharmacie, dans ce cas-ci, parce que j'ai clairement un sac de pharmacie ici. Mais mon Dieu, ça veut pas dire que tu l'as pris là. Ah, j'avoue, mais je suis transparent comme ça, comme un livre ouvert. Ça. Moi, j'ai un gros sac à sac chez nous, fait que... Genre, c'est plein de tabarnes, genre un gros sac à sac, mettons. On pourrait manger du chaussure pop, là. Ah, bien, hein? Du chaussure pop. Donc, j'ai vraiment failli t'amener, Steph, ceci. Mais je l'ai déjà ouvert parce que j'en ai eu besoin. Mais j'ai découvert, et je voulais en parler, les Tom's Chewies. Ouais, mais je m'excuse, mais c'est pas une collation, là. Non, je sais, mais je l'ai... Pour les brûlements d'estomac. J'en ai pris pour les brûlements d'estomac. C'est pour ça que je te dis qu'on l'essayera pas parce que j'ai déjà ouvert, parce que j'ai eu des brûlements d'estomac, ça. De toute façon, je l'aurais pas essayé. Non, mais c'est ça, mais c'est pas une collation, fait qu'on le goûtera pas. Mais je voulais vous dire que ça existait. Et la saveur, étrangement, en anglais, s'appelle Very Cherry. Qui en français aurait peut-être dû être vraiment cerise, tu sais, ou tu sais, quelque chose de genre. Qui s'appelle très cerise, c'est ça. Mais c'est vraiment cerise, ça aurait été plus beau avec le vin, ça. Mais non, mais tu traduis very par très, non, tout le temps. Bref, soulagement parce rapide. Parce que vraiment, ça aurait été really cherry. T'as bien raison. Carbonate de calcium, 1177 mg USP. 32 bouchées, tendres, emballées individuellement. Ça goûte à rien, partout. Mais c'est vraiment bon, quand même. Bref. Oh, c'est des médicaments. Je sais, c'est pas la chronique non plus, t'as. Mais non, mais je veux dire, c'est tellement pas pertinent, hein. C'est très pertinent d'avoir vu ça à la pharmacie. Non. C'est dans le même sac de pharmacie. Gars, ça a collé à qui? C'est ça. Non, j'ai amené, et tu vas vraiment pas me trouver original parce que t'as probablement déjà vu, et c'est pas celui qu'on va essayer, je te dis, plein de choses qu'on fera pas aujourd'hui. T'as sûrement déjà vu les Stride ou Sour Patch Kids. T'as sûrement déjà vu ça? Non, même pas. Mais j'en avais vu aussi, et je les ai jamais essayés, j'ai envie de les essayer. Les Juicy Fruit ou Starburst. Ah, tu connais les bonbons Starburst? Ben oui. Un petit genre de gelée... plastique un peu, mais quand même, ça va. Gelé? Ben, non, genre, c'est des bonbons durs. Bonbons durs, ben, plus mou que dur, je trouve. Moyen mou, mettons. Hein? Ça se mange bien, les Starburst, quand même. Ça se mange ça pas? Ça se mange bien, les Starburst, ben oui. Un peu. Mon Dieu, tu vas d'autres péter les dents? Pente. Donc, les Juicy Fruit Starburst à la fraise, c'est la gomme sans sucre. C'est 15 bâtons. Je me serais attendu à ce qu'ils les mettent en forme de Starburst un petit peu plus pour faire comme le concept de Starburst. Et vraiment marcher comme une gomme, mais au moins à la saveur du Starburst avec la forme. Ouais, mais faut non. Pas que t'oublies, c'est pas un produit de Starburst, ça, c'est Juicy Fruit. C'est un produit Juicy Fruit à saveur de Starburst, mais je trouve que l'opportunité est ratée. Moi, dans mon cas, mon opinion dit que l'opportunité est ratée. Mais en fait, je pense que ça aurait été Starburst qui l'aurait fait, et là, ça aurait été en fond de Starburst. C'est ça, faut pas que t'ailles trop vers l'autre produit non plus. C'est là. Ça, j'espère qu'il aurait pas été à saveur de Juicy Fruit parce que la saveur aurait duré 3 secondes. C'est rempli de sorbitol. D'acésulfame potassium, bien sûr. Aspartame, mannitol, sucralose. Un paquet d'affaires qu'on n'est pas sûr d'aimer la saveur, mais bien. C'est encore en paquet de cigarettes classiques, les paquets de gomme comme sont toujours de nos jours. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. L'aspartame contient de la phénylalanine, de la phénylalanine. Ils prennent la peine de le préciser sur l'emballage, donc j'imagine qu'il y a des gens qui sont plus sensibles à la phénylalanine. Voilà. Comment t'écris ça? Phény, P-H, accent aigu, N-Y, L-A-L-A, ou N-I-N-E. Ah. Phénylalanine. Phénylalanine. C'est difficile à dire. Donc, il y a ça dans le sucralose, apparemment. Peut-être que certains aiment moins ça, donc veulent se renseigner. Le visuel de l'emballage, si on décrit un petit peu, on voit une langue de jus de Starburst. C'est du petit jus de fraise, si on veut, en forme de langue, sortir d'une vague de quelque chose qui ressemble étrangement à du Pepto-Bismol sur l'emballage, je trouve. Le gros logo de Starburst, comme on le voit toujours sur les Starburst, une grosse fraise, vraie fraise, le fruit en tant que tel, rien de bien particulier, mais c'est à peu près ça. Donc je te donne le paquet, Steph, tu vas pouvoir l'ouvrir dans le micro magique, comme la tradition le demande. C'est le fun, il y a un article sur le phénylalanine. En anglais, c'est Sweet Poison. Le doux sucré poison. Ouais, donc je pense que c'est semblable à l'aspartame. Ah, d'accord. Donc ça tue, puis c'est super toxique. C'est ça, on va en manger, ça. Exactement. C'est un acide aminé aromatique. Ah, d'accord. Ça va donner la saveur de fraise peut-être à notre gomme Starburst Juicy Fruit qu'on entend ouvrir à l'instant. J'essaie de faire du bruit avec, là, mais le plastique est très... facile très coopératif. Ouais. Non, là, il est pas coopératif, il me colle sur les doigts. C'est la statique dans le studio, hein. Mais c'est ça qui est plate avec la craque, une grosse pointe à l'adresse. Quand on va trop se renseigner à l'avance, on sait tout de suite qu'il y a les calories pis des affaires dedans. Hein? On sait, quand on se renseigne trop avant de goûter à un produit, des fois, on a peut-être perdu l'envie de le goûter. Hey, ça sent vraiment fort. Oh, hein? Les fraises, hein? Ben, les fraises. Ça ben, sent la fraise ça. Chimique, là, ouais. Non, ça? C'est même pas. Ça sent pas la fraise. Tu trouves? Je trouve que oui. Mais bon. Mais donc, je sais pas, je suis habitué d'en manger des vrais. J'en ai pris trois, là, bâtons. Je pense qu'on va y aller avec juste deux. Parce qu'ils sont très minces, hein, difficile d'en prendre juste un. Mais les Juicy Fruit, tu peux en prendre deux si t'en veux. Je sais que tu peux pas la garder très très longtemps dans la bouche, mais quand même. Donc, Starburst Juicy Fruit, on l'ouvre. Évidemment, le petit aluminium fait pas grand bruit non plus. Merci d'ambitionner le bruit pour l'auditeur commun. Tu fais bien. Bon, donc on ouvre ça et on se met ça. Je vais ouvrir les deux en même temps avant de sortir les bâtons. Là. C'est un Juicy Fruit standard. Hein? C'est long, mince, c'est rose avec des chevrons dessus. Oui, des beaux petits chevrons. J'aime ça, les chevrons. Des W, certains pourraient voir. Parce des sont séparés, M, hein? Si tu le regardes de l'autre côté. Ils sont séparés, les chevrons, en forme de M. Bon, ça donc, sent vraiment fort, incroyable. Extrêmement fort. J'ai hâte de voir. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un Starburst. Ouais, moi aussi. Mais je sais la saveur que c'est supposé avoir. Allons-y. Miam, miam, miam. Ouais. Goût de la sucre. Très, très sucré. Est-ce que tu sens le sucre à l'autre? Pas encore. Non. Moi non plus. Mais tu vois que tantôt, j'ai fait la... La nomenclature... Ça jute la... Waouh, la bave qui sort de partout. Mais tantôt, j'ai fait une partie de la nomenclature. Désolé. De tout ce qui est assez suffisant. Mais la liste est sur trois lignes. Il y a beaucoup de trucs dedans, autres que la sucralose et l'aspartame. Donc peut-être qu'ils ont trouvé une façon de rendre que ça goûte pas trop ça. Ça doit être le phénylalanine. Probablement. Ben ouais, on peut noter une certaine ressemblance au Starburst. Est-ce qu'il aurait pu juste faire des Juicy Fruit aux fraises sans dire que c'est Starburst? Ça aurait sûrement été bien correct. Ouais. Mais ils voulaient absolument profiter de la marque de commerce du Starburst, j'imagine. Qui pour moi, il me semble... Ben, c'est beaucoup plus vendeur. Tu l'aurais-tu juste acheté si ça avait été aux fraises? T'aurais été moins enthousiaste. Peut-être moins. T'aurais été beaucoup moins influencé. Peut-être. Là, c'est ça. L'idée de la chronique est d'être influencé par le marketing des choses. Je pense qu'on se le cachera pas. Ça a marché dans mon cas. J'aurais aimé aussi goûter à la Sour Patch Kids, mais j'imagine que tout le monde l'a déjà goûté. Parce que celle-là, d'après moi, va attirer plus le monde. La Sour Patch Kids, un petit bonhomme vert. J'imagine que c'est quand même assez populaire. Mais je sais même pas de quoi tu parles. Les Sour Patch Kids, les petits bonhommes surettes, tu connais pas? Non. Est-ce que tu veux les goûter? Moyen? Ben si c'est surette, je sais pas. Ben non. Non. J'aime pas la gomme en général. Non, ben c'est ça, ben moi non plus. Pas tant que ça, j'en mange jamais. Mais une fois de temps en temps, ça m'attire, tu sais. Ça goûte encore un peu. Ouais, étrangement pour une Juicy Fruit qui aurait fini depuis longtemps. Ils en ont tellement mis. Mm-hmm. C'est la deuxième fois qu'on fait une chronique sur la gomme à cette session-ci. Et je pense que dans l'histoire, la chronique, c'est sûrement la deuxième aussi. Donc on en fait pas tant que ça, mais... Celle-là est meilleure que l'autre. Ouais, l'autre, c'était supposément de la gomme au Jelly Bean. Je l'ai encore, j'ai même pas regoûté. C'est un échec total. Jelly Bean, c'est vraiment raté. C'est la Trident Layer, je l'ai devant moi, aux fèves en gelée. Et non, ça c'est n'importe pas. Quoi. N'importe quoi. Mais tu vois qu'il fallait répéter l'expérience pour essayer de faire mieux. Et mm-hmm. ça a fonctionné. Surprenant. Mmh. Ah oui. Donc les Juicy Fruit de Starburst à la fraise. Elle devient assez dure rapidement. Hein? Mm-hmm. Comme un vrai Starburst. Hein? Tu disais que c'était dur tantôt, Starburst. Non, ouais, mais là, c'est de la gomme, c'est pas le but. Ben non, voilà. Voilà, alors moi, je vais l'enlever pour faire mes nouvelles, par exemple. Mmh. On se continue à manger de façon pas de classe. Continue. Et t'essaieras de réagir la bouche pleine de bave à ces nouvelles de fast-food qu'on fait en fin de chronique à chaque fois. Et on débute avec Kellogg qui va lancer une série de céréales Origins parce que la catégorie est en descente financière. Donc, on va essayer de remonter les ventes en vantant les ingrédients simples de Kellogg. Donc, Kellogg Company, qui est connue pour ses céréales colorées pour enfants remplies de sucre, va retourner à la nature avec le lancement d'une marque nommée Origins. Donc, le produit va être vendu sous la marque maîtresse de Kellogg's. Il va venir en différentes variétés comme muesli, des grains et du granola. Donc, la nouvelle offre arrive alors qu'on essaie, de remonter un petit peu les finances de la compagnie. Origins va être lancé au milieu de l'année aux États-Unis, selon une présentation de Kellogg qui était faite au Consumer Analyst Group de New York à Boca Raton, en Floride. La marque, donc, c'est de la vraie nourriture préparée simplement, dit-il. Ça, c'est évidemment clairement du marketing. Ça reste du masse, de la production de masse. Avec des ingrédients qu'on peut voir et prononcer. Ça me rappelle un petit peu la tendance que McCain a pris il y a quelques années avec leur pizza avec des ingrédients écrits en gros derrière qu'on peut prononcer. La catégorie des céréales aux États-Unis est descendue de 3,8% à 8,9 milliards dans les 52 semaines, se terminant le 25 janvier. Kellogg est encore pire, ses ventes ont descendu de 5,4% à environ 2,7 milliards selon IRI. Donc on va essayer de monter ça avec des céréales naturelles, si on veut. Est-ce que ça va te donner envie d'en acheter? Non. Non. Ouais. Ensuite, c'est le USDA, aux États-Unis, qui vient d'approuver une pomme qui ne brunit pas. Tu sais, des pommes brunes, on n'aime pas même ça. Ben non. Dépendant pour certaines recettes, ça pourrait être le fun quand même. Mais le US Department of Agriculture vient de dérégulariser des pommes génétiquement modifiées qui ne deviendront pas brunes après avoir été coupées. Les nourritures génétiquement modifiées, évidemment, rendent certaines personnes inconfortables, mais c'est quand même complètement sécuritaire, selon la US Department of Agriculture. Les scientifiques ont trouvé une façon d'éteindre le gène qui contrôle le processus de la brunaison, de la brunétude. Oxydation. De l'oxydation. Mm-hmm. Une réaction chimique, donc, qui est causée. Et les enzymes dans la pomme vont réagir à l'oxygène pour créer de la benzoquinone, quelque chose de genre. Et de la mélanine, ce qui donne donc de la recolorisation. En utilisant une technique qui s'appelle le chemical silencing, donc les scientifiques peuvent minimiser ces trucs-là. Et donc le résultat, c'est une pomme qui ressemble à la Golden Delicious et la Granny Smith, qui est la pomme Arctic, donc Arctic Apples. C'est des pommes vertes approuvées qui vont être plantées aux États-Unis. Mais la Food and Drug Administration doit quand même être d'accord, donc donner son accord avant que ça puisse être vendu en magasin. Si tout va bien, on devrait retrouver ça dans les boîtes à lunch dans quelques années. Mm-hmm. Donc, les pommes qui ne brunissent pas. Vous pouvez voir une petite vidéo en accéléré. De la pomme qui ne brunit pas. Exactement. Donc, il se passe juste rien de son bord. Il se passe absolument rien. Mais l'autre bord, ça brunit. T'sais. OK, OK. Est-ce que t'aimes le café? Ben oui. Voilà, qui n'aime pas le café. Il y en a, j'en connais. Mais peut-être que vous devriez en boire encore plus, étrangement. C'est surprenant quand même. À moins que vous buviez au moins 3 tasses de café par jour, vous devriez considérer d'augmenter votre consommation de café. C'est US Dietary Guidelines, donc les lignes directrices diététiques américaines. C'est le US Dietary Guidelines Advisory Committee, donc un conseil si on veut, qui fait des recommandations à la Food and Drug Administration et d'autres agences fédérales. Il vient de sortir un reportage, un bulletin si on veut, qui montre les avantages pour la santé et les risques de boire entre 3 et 5 tasses de café par jour, incluant un risque diminué de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Leur bulletin donc décrit qu'entre 3 et 5 tasses, donc 400 mg, ils appellent ça une dose modérée. Si c'est plus que ce que vous buvez, vous n'êtes pas seul, parce que Quartz l'a dit l'année passée qu'il n'y a aucun pays sur Terre qui boit autant de café per capita. Les États-Unis consomment environ 0,93 tasses par jour par personne en moyenne, selon les données de Euromonitor. La plus haute moyenne est aux Pays-Bas avec 2,4 tasses par personne. Quand même! C'est beaucoup. Bien sûr, ces chiffres-là ne parle pas des gens qui sont trop jeunes pour boire du café, et le panel va décourager les enfants et les adolescents de boire des breuvages caféinés. Si on regarde la population américaine qui a plus de 18 ans, la consommation per capita est de seulement 1,21 tasses par personne, ce qui est encore en dessous de ce que le comité suggère de boire comme café. Un membre du comité, Tom Brenna, nutritionniste de l'université Cornell, a dit à Bloomberg que depuis qu'ils se sont rencontrés en 2010, il y a eu beaucoup de travaux faits sur le café, ce qui a mené donc au conseil de faire ces recommandations. Ils disent que le café, c'est une bonne chose. C'est pas que le café va guérir votre cancer ou rien. Il y a rien de ce genre de choses-là. Mais il n'y a pas de risque. Et en fait, il y a même des améliorations à votre santé lorsque vous buvez du café. On dit que les gens devraient surveiller par contre le sucre et le lait qu'on met dans le café, évidemment rempli de calories. Quand on ajoute ça au café, il faut aussi considérer la production de café. Par exemple, de prendre des cafés qui sont équitables, mm-hmm. Exactement, par rapport à aux soucis économiques et aux soucis environnementaux. Il y a aussi le coût, bien sûr. Si on boit 24 onces par jour dans une chaîne comme, peu importe, une chaîne de café populaire, ça pourrait coûter plus de 2,50$, 3$ par 12 onces, donc ça va vous ruiner facilement. Ça va faire, en dollars américains, 1825$ si on le prend en moyenne, avec la recommandation de ce qu'on a dit au début. Sinon, ça fait environ 2278$ canadiens si on allait chez cette chaîne de café populaire en forme d'étoile. Ensuite, peut-être avez-vous vu passer cette nouvelle-là sur les réseaux sociaux récemment, mais c'est la dernière boîte canadienne de Frosted Flakes qui est arrivée sur la table d'une famille en Ontario, et ils ont été surpris par une note laissée sur la boîte, en fait sur le sac. C'est une famille de Timmins en Ontario qui était assise pour son déjeuner du lundi matin, lundi traditionnel. Ils ont découvert que la boîte de céréales était en fait une relique de l'histoire canadienne. La famille Godette, qui préparait le début de la journée, ils ont ouvert la boîte de Frosted Flakes. Finalement, c'était la dernière boîte produite dans l'usine de Kellogg, qui est maintenant fermée à London, en Ontario. On a remarqué quelque chose d'écrit sur le plastique de la boîte après l'avoir ouverte. Donc, écrit au marqueur noir, daté du 5 décembre 2014. La note disait, je cite, « Ceci est le dernier sac de céréales canadiennes pour le marché canadien de notre usine de London, en Ontario, pour Kellogg. » Le message a été écrit par trois travailleurs depuis longtemps dans cette usine qui date de 138 ans, qui est fermée depuis décembre. Donc les hommes ont écrit leur nom. Ils ont aussi écrit le nombre d'années qu'ils ont travaillé, donc 24, 28 et 29 ans. Godette reconnaissait donc la signification historique de cette trouvaille. Il trouvait ça évidemment triste. Les anciens collègues travailleurs de chez Kellogg à London disent qu'ils savent exactement ce que le message voulait dire et qui l'a écrit, donc ils savent quelles personnes ont écrit ça, eux. Donc, ils ont annoncé en décembre 2013 qu'ils allaient fermer l'usine dans l'année suivante. Et la production de céréales a déménagé à une autre usine. Donc, la fermeture a causé 450 mises à pied. Godette est professeur d'histoire, ça tombe drôlement, parce que pour quelqu'un d'autre qui n'est pas fanatique d'histoire, il aurait juste fait « je m'en sac ». Mais lui, c'est un gars d'histoire, donc il trouvait ça important de le souligner. Et c'est grâce à CTV News qu'on le sait. Bon, c'est une bonne chose. Voilà. C'est tombé sur la bonne personne. Je pense que oui. Je pense que ça va être assez de nouvelles de fast-food pour moi. J'aimerais ça revenir sur le phénylalanine. Phénylalanine. Ouais, ben j'ai cherché un petit peu. Je me demandais pourquoi c'était écrit et qu'on voit jamais ça. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles recommandations à surveiller ce produit-là? Mais en fait, il existe des personnes qui souffrent d'une maladie héréditaire rare qui est la phénylcétonurie. OK. Donc, ces personnes n'ont pas l'enzyme nécessaire à la digestion de la phénylalanine. Donc, les personnes atteintes de phénylcétonurie qui ingèrent de la phénylalanine souffrent de syndromes de toxicité différents. Donc, ça peut être un retard mental, par exemple, en particulier chez les enfants, et des troubles intellectuels chez les adultes. Donc, l'étiquetage n'est pas obligatoire pour ces produits, parce que la plupart des personnes atteintes, ils savent quels produits en contiennent, parce que c'est une protéine. Donc, seuls les produits comme les gommes à mâcher, qui normalement ne contiennent pas de protéines, mais contiennent de l'aspartame, doivent être étiquetés. C'est normal. Donc, c'est pour ça que sur la gomme, c'est écrit, parce que normalement, il n'y a pas de protéines, donc ça pourrait être dangereux pour ces personnes-là. Très intéressant. Ben oui, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant à savoir. Merci Steph, je t'encouragerais pas d'habitude à pas m'écouter, mais là, en tant que tel, je trouve que c'était très intéressant de le faire. Ah, je t'ai écouté, j'ai trouvé ça bien avant le début. C'est bien correct, j'apprécie. Donc voilà, pour une grosse pointe en dresse, les liens vers les nouvelles sur assemblagerequis.com. Cette émission spéciale d'Assemblage Requis sur une grosse pointe en dresse vous revient après la pause. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Toujours dans une autre édition spéciale d'Assemblage Requis, guide de l'utilisateur sur une grosse pointe en dresse. On avance, on est rendu presque à la session d'hiver, à la fin de la session d'hiver 2015. J'arrive dans pas long. Oui, Tania Baudin, t'es là, mais pas dans cette heure-là. Exactement. Il reste une heure environ avant que t'arrives. Dans cette fois-là, je pense qu'on était vraiment pognés, ou j'étais pogné sur les Jelly Beans, parce qu'il y a encore des bonbons en gelée. Mais là, si je me rappelle bien, c'est vraiment des Jelly Beans qu'on goûte. OK. Une de nos chroniqueuses nous a apporté des Jelly Beans, donc on va attendre ça dans le prochain bloc. Puis sinon, on va aussi boire un peu. Oh! On va boire du chocolat chaud au chocolat blanc. Ah, oh, mais ça doit être très bon. Ouais. Mais t'en encore une fois, tu goûteras pas. Oui, c'était bon. Ouais. C'était crémeux, je me souviens. Je me souviens pas si j'ai donné un pouce en l'air, par contre. Je me rappelle même pas si on donnait des pouces en l'air à cette époque-là. Peut-être pas. On va voir. Chaque semaine, les mardis, on fait l'émission, on mange ou on boit. Départ de la semaine, des fois, on fait Master Steph, on cuisine nous-mêmes maison. Des fois, on est très, très paresseux, on prend des affaires qui sont pas super bonnes et on appelle ça une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse, c'est la colline dans laquelle on mange ou on boit un produit du grand commerce, que ce soit un dépanneur, une épicerie, quelque chose qu'on devrait pas se procurer parce que c'est pas bon pour nous. D'ailleurs, je viens de voir Myriam Mertil nous quitter. Elle nous a laissé une grosse pointe en dresse pour une prochaine chronique et on va se goûter ça d'ici la fin de la session, c'est garanti. J'essaie de garder ça secret pour l'instant. Mais pour aujourd'hui, Steph, je me suis dit qu'on boit pas souvent à l'émission, on mange beaucoup. C'est vrai. On mange des trucs qui se ressemblent des fois pas mal. Et, j'ai tendance à prendre de la gomme, des bonbons, des trucs comme ça. Je me suis dit, on va prendre un petit break de ça, on va boire quelque chose de réconfortant. Ah? C'est encore l'hiver, il y a encore de la neige dehors au moment où on se parle. On est quoi, le 7 avril, puis c'est glissant, puis c'est pas le fun par moment. Donc je me suis dit, quoi de mieux pour se réchauffer que du chocolat chaud. Et je suis tombé sur à l'épicerie sur du chocolat chaud au chocolat blanc. Ah? Est-ce que t'aimes le chocolat blanc? Je t'ai pas demandé la question avant. Ben oui. Poser la question, excuse-moi. Ben oui, c'est pas dans mes préférés. Je l'achète pas volontairement. C'est ça, quand mais ça vient. Si tu m'en donnes, je le mange. Quand il y a un mélange de Lindt, chocolat noir, chocolat blanc, caramel, tu prends le chocolat blanc des fois puis c'est bon pareil. Ben oui. Donc si tu regardes à l'avant, il y a un petit bonhomme de neige qui a l'air tellement heureux de figurer sur le devant d'un chocolat chaud au chocolat blanc. Hey, on dirait vraiment genre que t'as pogné ça d'un fond de dépanneur des années 70. C'est ça, j'ai même cherché la date limite dessus pour me demander si c'était encore bon. Mais c'est encore bon? C'est de la poudre. Mais ça reste bon longtemps. Ouais, mais ils ont pas mis de date dessus. Il s'était vendu encore il y a quelques semaines à peine à l'épicerie. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai acheté. Ah, c'est encore drôle, faut faire attention dans l'épicerie, faut que tu regardes les dates de péremption. C'est vrai, c'est vrai. Mais il était en vedette dans un présentoir de carton. Ce chocolat chaud. Okay. Donc j'imagine que c'est parce qu'ils voulaient écouler leur stock, donc peut-être proche de la limite, mais bon. Parce qu'il y a un bonhomme de neige, de toute façon, c'est peut-être juste une question de saison. C'est probablement. Peut-être même pas une question de date, là. Exactement. Donc un mélange pour chocolat chaud blanc avec guimauve intégrée, Steph. Oh! Là, ça, c'est très vendeur. C'est par la compagnie Gourmet Village de Morin Heights. Morin Heights? Donc, saveur naturelle et artificielle. On trouve 35 grammes, poids net 1,2 onces, c'est ce qu'on nous dit sur l'emballage. Les instructions, et là, j'ai demandé à notre amie Myriam d'aller nous chercher du lait chaud. Mm-hmm. À la chasse-galerie, on nous a donné ce qu'on met dans le latte, donc c'est du lait chaud, du latte. Dans un latte, ben c'est oui. du lait chaud. Ben donc, oui. On nous a fait une demi-tasse environ. On nous demande ici de mettre le mélange pour chocolat chaud dans une tasse, d'ajouter 170 ml ou 6 onces d'eau. Pour toi, est-ce que tu penses qu'une demi-tasse comme celle-là, c'est à peu près le bon 6 onces d'eau? Oui. C'est assez. Oui, c'est suffisant. C'est parfait. Donc, d'eau bouillante ou de lait très chaud. Donc, il n'est pas bouillant, il est très chaud. De toute façon, on y va toujours avec du lait, hein. De l'option eau, c'est toujours décevant. Pour du chocolat chaud, c'est pas optimal. Ça nous dit de bien remuer, ce qui est parfait parce que Myriam nous a apporté un bâton. Tu vois comment cette fille est fiable. Elle est géniale. Génial. Donc, sucre, substance laitière modifiée. Quand on le met en deuxième, c'est problème pour moi plus tard. Donc, lactosérum, concentré de protéines de lactosérum, huile de noix de coco, matière sèche de sirop de maïs, caséinate de sodium pour le lait. Il y a des guimauves déshydratées. Donc, sucre, sirop de maïs, dextrose, fécule de maïs modifié. Ça veut dire que les guimauves sont peut-être pas en morceaux de guimauve, mais ça va goûter la guimauve. Oh, ouais, c'est ça. Des petits copeaux, je pense, de guimauve là-dedans. C'est quand même assez solide comme paquet. Okay. Il est pas tout à fait mou. J'essaie de le brasser un petit peu, mais il reste quand même pogné au fond. Donc, c'est ça, Gourmet Village de Morin Heights. Gourmet du Village, préparé au Canada. Recette sur gourmetduvillage.com. Donc, la recette qu'on retrouve ici, mélanger le chocolat chaud dans une tasse, elle se retrouve aussi sur leur site web. Mais non, je niaise. Ah, il y a peut-être des recettes avec cette poudre de chocolat-là. Peut-être, ce serait le fun de l'essayer. Donc, on va se passer la tasse de l'autre côté pour que tu puisses nous faire le mélange dans le micro magique. Et je te donne l'enveloppe. Je devais apporter deux. Je m'étais dit qu'on pourrait laisser dans de l'eau et du lait, mais on va pas casser la tête de la chasse-galerie plus qu'il faut. On va le faire dans la même tasse, tous les deux. On n'est pas malade ni l'un ni l'autre en ce moment, ça tombe bien. Non, bon. Super en santé. Génial. Je sais pas s'il y en a assez pour le sachet au complet. Ah, ben mets-en pas au complet. Je vais mettre peut-être la moitié ou le trois quarts. Ouais, on peut s'adapter. Ouais, c'est ça. On va prendre ce qu'on nous a donné. Parce que sinon, j'ai l'impression que ça va plus faire un brownies. Ah, ça se voit que ce serait pas de refus. Ça non plus. Donc, on va évidemment ouvrir l'enveloppe de ce mélange pour chocolat chaud blanc de Gourmet Village dans le micro magique en le brassant. On l'entend brasser, là. C'est important de brasser ça. Oh! C'est comme du papier qui déchire. Hein? Ça s'ouvre bien. Oui. De quoi est-ce que ça a l'air visuellement? Est-ce que tu vois les copeaux de guimauve? Non. C'est de la poudre blanche. La petite poudre blanche, ça a l'air louche. Ça a l'air louche. Faudrait pas qu'on trouve ça dans notre tiroir. Ça sent très fort la vanille. OK. Ça sent pas le chocolat blanc, ça sent la vanille. Ça sent très fort la vanille et le sucre. Bon. C'est ça. C'est ça. Fait qu'on voit pas les guimauves, puis on verse ça dans le verre, puis ça va être bien beau. Est-ce qu'on on verse pas dans le micro, moi, je pense? Petite neige de... Oh, là, tu l'as mis presque au complet, là, hein, c'est ça? Presque au complet. J'ai mis le trois quarts. Trois quarts, c'est correct. C'est bien correct. Donc, on va brasser ça à soi, comme ça nous dit de remuer, c'est les instructions. ça a l'air gluant, quasiment. C'est à cause de la mousse du latte. Ouais, c'est ça. Wow. On devrait faire une chronique sur les lattés, appeler ça l'athéisme radiophonique. Ah, c'est bizarre, c'est facile, ça sent. C'est facile. Tu sais, les vieux biscuits sablés là, qui traînent... Chez ta grand-mère, dans un bol en métal, hein? Oui. C'est plein ça? Ben, je sais exactement de quoi ça parle. Mais les sablés, c'est bon, ça? Mais des vieux sablés, ouais, ça sent le vieux sablé de Noël. Ouais. Qui a pris l'humidité, je sais pas trop quoi, qui est rendu tout... Ça sent la noix de coco. C'est vraiment bizarre, ça sent pas ce que c'est supposé ça sentir. Ça sent la poudre de noix de coco dans justement ces biscuits-là. OK. Ah ben, spécial. Ben, je pense que t'avais dit qu'il y avait de l'huile de noix de coco dedans. Ouais, je me rappelle avoir mentionné le mot tantôt. C'est peut-être ça. Peut-être que c'est ce qui va donner un effet chocolat blanc. Je me demande si le chocolat blanc est fait à... C'est marqué saveur naturelle et artificielle. Est-ce qu'on a lu s'il y avait du vrai chocolat blanc dedans? Ouais, mais du chocolat blanc, c'est fait avec quelque chose. Cacao, ou... là. Même pas, c'est fait avec du beurre de cacao. Il y a même pas de cacao dedans. Eh bah. Fait que, attends un peu, y a-tu cacao décrit quelque part? Une substance laitière, huile de noix de coco... Non. Non, bon. Non. D'accord. Pour ça, je te dis, ça sentait très fort la vanille et la noix de coco. De la simulation. Est-ce que tu veux que je goûte en premier? Ah, vas-y, vas-y. Je sais pas si c'est chaud. Là, tiède le rendu là. Ça fait quand même depuis 10 minutes. Hein. Ben! Hein? Je m'attendais à du négatif, mais... Non, c'est pas mauvais, c'est réconfortant. Ça goûte quand même beaucoup de lait, je vais te remettre de la poudre. Ah merci, c'est pas assez poudré. Ouais, on peut mettre le paquet au complet. Là. Garde-toi. Ils ont mis ça pour un petit verre. Clairement, c'est des sacs en portions individuelles, c'est rarement pour un grand verre, ces affaires-là. Au pire, il va y avoir des moutons. C'est ça, j'aime ça les moutons. Mais c'est des moutons, des moutons. Des moutons qui goûtent la guimauve. Mais on dirait un mouton parce que c'est quand même très, j'allais dire frisé, mais mousseux. Parce que c'est le lait du latte qui reste très mousseux, oui. Mais je sais pas si c'est à cause de la petite poudre. La petite machine, on dirait. Ouais. De la chasse-galerie. Donc, toi, est-ce que tu les goûtes, les guimauves? Je veux savoir si je vais goûter les guimauves. Je goûte pas partout les guimauves, mais je pense que ça ajoute à la onctuosité. Oui, exact. Une autre petite gorgée pour la route. Ça goûte très mousseux. Mais c'est pas mauvais. Je te dirais que... Une petite journée d'hiver, là, où il tombe des gros flocons, là... J'avoue que l'odeur, c'est drôle, mais l'odeur me fait penser, et ça n'a absolument aucun rapport, puis à chaque fois que je le dis, tu me dis ça n'a pas rapport, mais ça me fait penser à l'odeur fake de vanille dans genre des chandelles, tu sais, des chandelles à vanille. Oui, oui, vraiment. Ça me fait ça penser à oui, ça. Oui, mais moi, pour vrai, ça sent vraiment les sablés noix de coco d'une boîte en métal chez ma grand-mère dans le temps des fêtes. Hey, c'est Party Light bien raide là-dedans, pour vrai. Je m'excuse pour ceux qui achètent des chandelles Party Light, mais ça me fait rappeler ça, puis j'aime pas tant l'odeur dorénavant, je l'ai trop senti. En tout cas, oui, mais c'est parce que tu les manges pas, tes chandelles non, Party Light. C'est ça, j'y vais là. C'est bon. T'as même pas fait de bruit. Ah, oh, excuse-moi. Je suis tombé sur un bout de guimauve. Un bout de grenaille. Un vrai bout de guimauve dans ma bouche live pendant que je sirotais ça. Moi, je pense que c'est juste un mouton de poudre. Ça se peut. Bref, ouais, c'est très, très sucré. Très bon. Je suis pas sûr que j'en boirais plus que 3-4 gorgées. En plus, il y a 3-4 tasses. La quantité qu'on a dans la tasse, qui est vraiment la demi-portion d'une tasse, ouais. C'est quasiment trop. C'est carrément sucré. Ça te tombe sur le cœur vite. Oh ouais, ben oui, mais ça prend un peu plus de lait, là. On s'est fait un brownies, là. On s'est fait un concentré, je pense. Mm-hmm. Mais pas mauvais. Pas mauvais du tout. Si vous pouvez retrouver ça en épicerie, ça se vend encore. En tout cas, ça se vendait la dernière fois que je suis passé. C'est le mélange pour chocolat chaud blanc avec guimauve de Gourmet Village. Il n'y a pas vraiment le logo, à part qu'en tout petit dans le coin, donc vous n'allez pas retrouver par le logo. Ah, ben oui. Non, cherchez un bonhomme de neige. Et l'emballage est rouge sur les... Années 70. Années 70, en effet. Le design, je sais pas s'il date de ces années-là ou c'était d'inspiration kitsch, mais j'avoue que du chocolat chaud en poudre, tu t'attendrais à boire ça peut-être au chalet où les choses restent longtemps. Donc peut-être que tu veux un look rétro kitsch, ouais, quand tu vas au chalet. Peut-être. Mais chercher quelque chose qui a l'air d'avoir de la poussière dessus à l'épicerie. C'est ça. C'est vrai. Je suis pas sûr qu'il y a un grand monde qui a acheté ça, moi. Pas mal sûr, j'étais dans les premiers, puis il était comme surpris, puis sûrement qu'il était même pas dans la liste de prix, puis il a fallu qu'il aille voir dans ranger. Peut-être que c'est ça. Tous les produits que j'achète pour une grosse pointe d'adresse, ben moins depuis quelques temps, là, mais cet été, l'été passé, excuse-moi, à chaque fois que je prenais un produit pour une grosse pointe d'adresse, il était jamais dans la caisse enregistreuse avec le code barre. Il fallait qu'il aille chercher le prix, puis qu'il l'entre à la main. C'est grave. C'est grave. Ça veut dire que je suis le premier à l'avoir acheté, probablement. Bref, après avoir goûté à ce chocolat chaud, on fait des nouvelles. De fast-food, Steph, on change complètement de sujet. Est-ce que t'as serré le Schmeichen, qui est un bacon de bœuf? Ben oui. Si je me demande du bacon puis du bœuf mis ensemble, c'est encore meilleur. Hein? Donc, il y a quelques années, Howard M. Bender et un ami sont allés prendre à déjeuner, mais à la place de prendre du bacon de porc, ils ont opté pour l'option plus santé. Ils ont commandé du bacon de dinde. Mais quand il est arrivé à leur table, ils ont été déçus. Le bacon à la dinde était dur et sec et ne goûtait pas le vrai bacon. Moi, c'est mon expérience avec le bacon de dinde. Je sais pas si ça dépend de la marque, mais moi, j'ai jamais trouvé que ça goûtait le bacon. Ça goûte la viande sèche, mais ça goûte pas le bacon. Ça goûte pas le bacon, ça goûte très bon et j'adore bon. Ça. Si tu te fais des sandwichs petit matin maison, ouais, là, ouais. Excellent. C'est vraiment très bon, mais c'est pas quand tu t'attends du bacon, c'est pas à ça que tu t'attends du tout. Non. Bref, il a passé 3 ans à formuler du Schmeichen. C'est un muscle de... muscle. C'est oui, du whole muscle, ça veut dire qu'on utilise vraiment le muscle, c'est fumé. Ben oui, mais glacé. C'est sûr, c'est du muscle de la viande, c'est quoi tu penses? Ouais, c'est parce que j'avais dit du tout muscle. C'est du bacon tout muscle à la place du bacon tout bœuf, je trouvais ça bizarre comme expression. Ouais, ça se vendrait moins bien du bacon tout muscle, je pense. Ouais. Bref, c'est ça, donc glacé et fumé. Et il vient de lancer une campagne sur Kickstarter. Oh. Bien sûr, donc Bender clarifie le fait que Schmeichen, qui a gagné le National Restaurant Association Food and Beverage Innovation, le FABI Award en 2014, n'arrivera pas dans votre... ne vient pas chasser votre bacon de porc traditionnel. C'est une alternative. C'est pour ça qu'on a développé le Schmeichen. C'est une alternative à ça. Et puis c'est ça, on n'a plus besoin de manger de bacon de dinde si on ne veut pas manger de porc, nous dit-il. On peut manger maintenant du bacon de bœuf. Le Schmeichen a des avantages par rapport au bœuf... au bacon de porc, trop de termes qui se ressemblent. C'est plus faible en calories, en gras et en sodium que tous les bacon de porc sur le marché aujourd'hui. Le Schmeichen est aussi complètement naturel et puis il n'a pas de nitrate. C'est souvent écrit sur les emballages de bacon sans nitrate des fois. Donc, comment est-ce que ça goûte par rapport au bacon régulier? Donc, on a essayé de les goûter un à côté de l'autre. C'était beaucoup plus facile d'enlever les bandes de bacon de porc par rapport au bacon schmacken. C'était plus difficile. Il a déchiré plusieurs bandes, plusieurs strips de bacon de bœuf pour réussir à les faire cuire. C'était plus poigné. La couleur est rouge plus intense, plus attirant que le rose traditionnel du bacon. Faire cuire le schmacken prend moins de 10 minutes et ça garde... Pardon, la forme du bacon qu'on connaît, la petite vague. Mm-hmm. Ça goûte pas vraiment le bacon de porc, c'est quand même délicieux, fumé et sucré, avec un petit peu de saveur, tellement plein de saveur que pour lui, quand il l'a goûté, le gars qui écrit l'article, ça goûtait le beef jerky un petit peu. Donc du bacon de beef jerky, là, où est-ce que je signe, comme on dit. Ben ouais, moi je goûterais ça, là, genre là. Maintenant, je vendrais mon âme. Fuck le chocolat chaud au chocolat blanc, je veux du bacon de bœuf. Schmacken qui est disponible dans certains restaurants aux États-Unis, si vous voulez l'essayer, vous pouvez contribuer au Kickstarter. 30$ pour l'emballage de Schmacken envoyé directement à votre porte. C'est cher. Ouais, c'est cher, mais c'est nouveau. Hein? Normal. Maintenant, ça me convainc. T'as vu, il y a quelques temps, c'était quand même populaire. Je pense que c'est redescendu un petit peu. Quoique, je pense. Mais les Nutella avec le petit bâtonnet là, pour manger les emballages pour une seule personne de Nutella. Ils ont sorti une version avec du bretzel récemment. Ah ouais. Maintenant, on sort les Reese's Spread Snacksters. Un peu sur le même principe, mais avec du Reese's, avec des biscuits Graham, un petit bâton qui fournit avec ça pour manger, c'est du Reese's, évidemment, de la tartinade au beurre d'arachide et au chocolat. Donc les Snacksters avec des petits bâtonnets. Un peu bâtonnets, comme les petits bâtons qu'on trempe dans le fromage. Oui, exactement la même chose, c'est ça. Mais avec du Reese's, c'est immanquable, comment ça doit être fantastiquement bon. Ben ouais. Ensuite, alors ça c'est spécial quand même, c'est les nouveaux designs des canettes de Coke dans certains pays, donc pas besoin de présenter Coca-Cola, etc., etc. On sait tout ce que c'est. Par contre, les emballages ont pas nécessairement beaucoup évolué avec le temps. En ce moment, ce qu'on retrouve sur nos canettes en Amérique du Nord, c'est juste le logo Coke écrit sur fond rouge, puis t'as le Coke Diet sur fond gris, puis t'as le Coke Zero sur fond noir, mais il n'y a pas vraiment de fantaisie à part une petite lignée. Une fois de temps en temps. Donc, une nouvelle stratégie de branding, d'image de marque Coca-Cola. En Espagne, voilà. Une nouvelle stratégie de design en Espagne pour ses produits. Une approche unifiée. À la place d'avoir des canettes qui se ressemblent pas les unes les autres, une c'est écrit Coke, l'autre c'est écrit Coca-Cola, puis là c'est marqué, tu sais, c'est le placé à la horizontale, à la verticale, etc. Donc, l'Espagne fait partie de 11 marchés européens. Teste le nouvel emballage pour voir si ça va pouvoir être adopté partout dans le monde après. L'approche, ce qui est spécial, c'est qu'on présente toutes les variétés dans une canette rouge. À la place d'avoir une canette grise, comme j'ai dit tantôt pour les autres sortes, c'est complètement rouge, c'est le bas de la canette qui change de couleur. Comme on peut voir dans l'article sur assemblagerequis.com, il y a un petit avant-après. Donc l'après, on voit que la canette est toujours rouge. Par contre, le mot zéro est écrit dans le rouge en dessous du logo Coca-Cola et le bas de la canette est noir. Dans la version zéro sans caféine, qui eux appellent 00, je trouve ça fantastique comme nom, Coke 00, je trouve ça parfait. Mais donc, il y a une petite vague dorée et la grosse vague noire du Coke 0. Et le Coke Light, qui est leur version du Coke Diet, la vague en bas est grise à la place. C'est vraiment très très joli. Je trouve que ça se démarque peut-être un petit peu moins en magasin que les canettes qu'on a en ce moment, où quand tu cherches du Coke Zero, tu cherches une canette noire. Et souvent, moi, je me rappelle de ma grand-mère qui achetait tout le temps du Coke Zero sans caféine, sans faire exprès, parce qu'elle avait pas remarqué que la bouteille était dorée, qui est complètement différente de rouge, mais tu sais, c'est marqué Coke dessus. Ça fait que là, ça va encore créer plus de confusion, d'après moi. Ben non, mais tu lis, là, au pire. Tu lis, c'est ça, exactement. Mais bon, donc, voyez ce que vous en pensez avec les différentes versions sur assemblagerequis.com. On voit aussi des versions avec des fruits, comme eux, ils ont un Coke, on l'a aussi, Coke cerise. À la place d'avoir la canette rose, la canette est rouge de tout et partout, il y a juste l'image d'une cerise. Sinon, il y a l'image d'un citron, l'image, je pense qu'il y avait lime aussi quelque part là-dedans. C'est un design qu'on essaie sur les 2 litres, sur les bouteilles de vitre, sur les canettes, tout est là. Donc, on va voir si un jour ça va être adopté ici en Amérique du Nord. Je continue à préférer les designs indépendants avec la couleur de la canette au complet. Je continue à préférer ça. Ah ben, on s'habitue vite, hein? Moi, ouais, j'avoue qu'on s'habitue. Ensuite, ça va faire bizarre d'avoir un mur complètement rouge avec juste des canettes rouges. Il va falloir que tu cherches un petit peu plus pour trouver. Ouais, mais c'est meilleur pour eux autres, dans le fond, parce que t'associes vraiment rouge, Coca-Cola, puis tu cherches plus de noir ou, tu sais, juste une partie. Ensuite, Visa et Pizza Hut aimeraient que vous commandiez et que vous payiez pour votre pizza avec votre voiture. Donc, des fois, tu t'es peut-être dit, bon, que t'aimerais que ta pizza arrive aussi rapidement que possible en utilisant le moins de ressources possible, le moins de stress possible. Un nouveau concept de Visa et Pizza Hut qui va permettre aux conducteurs, aux chauffeurs, aux livreurs de commander, c'est ça, okay, c'est les chauffeurs qui vont commander et payer pour la pizza sans avoir à quitter leur voiture ou à ramasser, c'est des personnes, quand t'es, je suis un petit peu mêlé dans mes termes, sans avoir à prendre ton téléphone cellulaire. Donc les deux compagnies ont annoncé une idée d'un système, dans le fond, qui va mettre en vedette Visa Checkout, qui est le système de paiement en ligne de Visa avec une connexion cellulaire, connexion Bluetooth à faible énergie et une technologie de beacon déployée par les restaurants. Bacon. Beacon, c'est comme un signal qui est envoyé. Mais oui, je le sais. Je le sais bien. Donc, ça va permettre à l'équipe de savoir quand un client est arrivé et est prêt à commander. Donc, d'ici à 2020, on s'attend à ce que plus de 250 millions de véhicules partout dans le monde incluent la connectivité de ce type-là. Et donc, ils vont pouvoir faire du commerce en ligne de façon plus sécuritaire dans les voitures. Ça va être pour l'instant une façon de commander votre repas sur votre chemin. D'accord? Donc, on va être en voiture, on va pouvoir commander sa pizza. Et quand on va être arrivé au restaurant, ils vont savoir que t'es arrivé, ils vont te donner ta commande, tu rentres, tu sors. Pas de stress, pas de temps à perdre à attendre au petit comptoir chez Pizza Hut, qui est toujours le cas. T'as beau laisser 20 minutes passer, puis il était toujours en attente une fois arrivé. Aucune idée. Ah, tu vas pas là, toi, Pizza Hut, je te comprends des fois. À chaque fois que j'en commande, là, je suis tout le temps déçu. Bref, la première idée. Donc c'est ça, ben cette idée-là, bref, allez voir le reste de l'article sur assemblagerequis.com, on n'a pas besoin de passer plus de temps là-dessus. Il y a une application pour les clients mécontents chez McDonald's au Japon. La filiale japonaise de McDonald's qui a indiqué préparer une application pour smartphone censée permettre aux clients de poster leurs commentaires et plaintes après une série d'incidents plus ou moins risibles qui ont saccagé l'image du géant de la restauration rapide. Je cite, « Nous allons proposer cet outil afin de renforcer notre écoute des consommateurs. » L'entreprise promet donc d'améliorer les procédures internes pour mieux gérer les pépins et la communication avec les clients. Une dent humaine dans des frites, des fragments de matériaux dentaires dans un hamburger, des bouts de plastique dans des croquettes au poulet ou une crème glacée, les découvertes peu ragoûtantes se sont multipliées ces derniers temps dans les produits emblématiques de l'enseigne. Elle avait déjà été secouée l'été dernier par un retentissant scandale de sécurité alimentaire à cause des manquements sanitaires de Aussi Food Company, une filiale du groupe américain Aussi Group, situé à Shanghai, qui n'hésitait pas à utiliser de la viande périmée ou à remettre dans les chaînes de production une partie des ingrédients incidemment tombés à terre. Les médias se sont régalés de ces mésaventures qui ont fait chuter les ventes de McDo au Japon de près de 29% le mois dernier comparé à celles du même mois de 2014 après une baisse de quelques 39% en janvier. Le chiffre d'affaires de McDonald's Japon s'était effondré de 15% en 2014, une débâcle qui, si elle se poursuivait, mettrait en danger la filiale de plus en plus concurrencée par l'offre grandissante de chaînes de café ou même des supermarchés multiservices dont le menu grossit de mets cuisinés sur place. Ensuite, des bouchées de sriracha panées. Frites. Il n'y a rien d'autre dedans? Non, c'est juste du sriracha. Donc, c'est une recette, en fait. Oui, c'est ça, une recette. C'est la même fille qui avait fait des recettes de pizza avec une croûte grilled cheese, des croquettes de poulet au ramen, des shooters de tequila frits, etc. Elle est de retour avec des bouchées de sriracha frites. Tout ce qu'il faut, c'est un mélange de cornbread. Cornbread, c'est comment déjà en France? Pain de maïs. Pain de maïs. C'est une traduction assez littérale. Ouais, mais je sais pas. Je cuisine pas, tu le sais très bien. Huile de canola et bien sûr de la petite sauce de coq. On suggère de tremper ces bouchées de sriracha dans de la sauce ranch, vinaigrette ranch ou du fromage bleu. Voilà, du condiment trempé dans du condiment pour cette recette-là que vous pourrez retrouver sur assemblagerequis.com encore une fois. Des graines de tournesol caféinées maintenant pour rester vraiment en forme toute la journée tout en entraînant un petit peu votre bouche à défaire des coquilles de graines de tournesol. Donc c'est des graines de tournesol caféinées avec de la taurine et du ginseng. Donc c'est recouvert de tout ça et ça vous donne de l'énergie pour 99 cents. C'est spécial. C'est spécial, hein? J'avoue que je mange pas vraiment de graines de tournesol, mais juste pour le petit kick que ça pourrait faire, ça pourrait être cool. Donc, Energy Sam Seeds sur Amazon. Voilà, je pense que ça va faire pour une grosse pointe d'adresse. C'est comme la chronique dans laquelle ça fait penser que tu vas manger de la pizza, tu sais. Mais on n'a jamais goûté de pizza, puis sûrement qu'on le fera jamais. C'est une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. C'est est une grosse pointe d'allresse, la colle dans laquelle on goûte un produit qu'on a acheté sur le marché, le grand marché public de la vie. que ce soit une épicerie, un dépanneur, un grand centre commercial, une machine à bonbons. Un container de vidange. Ça pourrait être ça, mais ce n'est jamais pour de la pizza, étrangement. Quoique ça pourrait être des Pringles à la pizza, mais c'est, j'ai déjà mangé. Fait. Que ce soit quelque chose de ça nouveau. Existe, ça? Ça existe, ouais, ça existe. Il y a plein de chips à la pizza, de temps en temps. Mais bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est en fait dans mon petit panier devant toi. Ah! Si tu piges, au fond, c'est une surprise de nos chroniqueuses préférées, qu'on appelle communément Myriam Lortie, qui nous a envoyé un sac de... Wow, c'est dur à lancer, ça. OK. Donc, elle nous a préparé un petit sac de Jelly Bean. Apparemment, qu'il y a des commerces... Oh, ça sent déjà très bon. Ça sent bon. Bref, il y a des endroits où on peut acheter des Jelly Beans, se faire un sac. En vrac, ben en oui. En vrac, exactement. Donc, elle nous a apporté vraiment dans un sac avec la marque Jelly Bean dessus. Un bon échantillonnage quand même assez considérable de Jelly Bean. De différentes saveurs. T'avais jamais vu ça, les sacs en vrac? J'avais jamais vu les sacs en vrac. Quel endroit dirais-tu a des sacs en vrac de Jelly Bean? Ben moi, j'ai acheté ça au cégep, là, quand j'étais à Rimouski, fait que ça fait super longtemps. Fait qu'on va au cégep de Rimouski, c'est à Rimouski. Mais c'était pas au cégep, là. Mais il y en a au centre du hobby. Je me demandais justement si c'était là, pour vrai. Sinon, à la confiserie, sûrement, depuis... un truc comme non. ça, non? Depuis qu'on a déménagé le centre du hobby, là, ils ont un gros rack dans plein milieu avec des Jelly Beans en vrac. Génial! Donc, The Original Gourmet Jelly Bean, évidemment, on dit des fèves en gelée en français, donc d'origine et gourmet dans ce cas-ci. Ça dit, c'est ça, ok. Sur le sac, il y a une mesure. Donc ici, on voit le 100 grammes. Oui, il faut faire attention, parce que ça coûte cher. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On remercie évidemment Myriam pour ça. Mais tu peux faire un sac de 100 grammes, 250, 500, 750 grammes. Ou juste en sacré dedans, c'est puis ça. T'en foutre. Jellybean.com, on dit c'est l'adresse du site internet. Get Real, Get Jelly Belly. Hein? Donc, c'est du réel, puis c'est du fèves en gelée, Jelly Belly. Sinon, ben, on pourrait peut-être. Parce que je pourrais lire des saveurs. Tiens, pourquoi pas lire des saveurs? Puis après ça, on essaiera de deviner. Ça. Ouais. Baie d'azur. C'est quoi ça déjà? Déjà, ça commence déjà, mal. Déjà, on lit, puis il faut deviner. Hein? Myrtille, c'est des bleuets. Hein? Ouais. Ensuite, gomme à mâcher. Popcorn au beurre. Café au lait, qui m'intrigue. Ouais. Barbe à papa, melon, cappuccino, qui doit être pas mal la même chose que café au lait. Ouais. Pomme en caramel, ça j'adore ça. Popcorn au caramel. Mm-hmm. Coke à la cerise, alors ça dit cola à la cerise. Pudding au chocolat, cannelle, noix de coco, soda à la vanille, ananas. Noix de coco, c'est très bon. Oh. Chocolat noir, raisin, pomme verte, thé vert, punch des îles, poire juteuse, kiwi, citron. Kiwi, c'est le fun parce que dans les cinq langues sur l'emballage, c'est kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi. citronade, ça c'est de la limonade pour les Français. Ouais. Citron vert, qui est de la lime pour les Français. Réglisse, mangue, margarita, qui est la même chose en cinq langues aussi, c'est cool. Orange, qui n'est pas la même chose, pardon. Sorbet à l'orange, c'est pas mal la même chose. Pêche. Non, sorbet à l'orange, ça doit être crème sec. Crème. Oh, j'espère qu'il y en a dedans. C'est la saveur préférée. Pina colada, pamplemousse rose, prune, grenade, framboise, pomme rouge, cannelle piquante, cheesecake aux fraises. Certains diraient gâteau au fromage aux fraises. Ouais, mais en France, c'est en anglais. Les mots français. Déquiré aux fraises, confiture de fraises, mandarine, guimauve grillée. Ouh! Et je l'ai vu, guimauve grillée, dans le sac. On a un échantillon de ça. Banane, qui s'appelle banane partout sauf en anglais où c'est top banana. Le chef des bananes. Oh! Je sais pas s'il y a une différence. Tutti frutti, vanille et cerise. C'est sans gluten, c'est sans gélatine, cool. Sans arachide et c'est certifié kasher. Mais c'est quand même bizarre sans gélatine, c'est quand même jelly. Hein. C'est ça, c'est ce qui surprend. Donc, Jelly Belly, les Jelly Beans de Jelly Belly ne sont pas vos Jelly Beans ordinaires. Elles sont plus petites, plus molles et plus brillantes avec des saveurs qui donnent l'eau à la bouche. Là, je traduis littéralement, qui donnent l'eau à la bouche et qui sont réalistes. Au centre et dans la coquille, nous utilisons des ingrédients naturels pour les saveurs aussi souvent que possible. Des vrais jus de fruits et de vraies purées, de la noix de coco et du chocolat. Get real, get Jelly Belly. Pas pire. C'est beaucoup d'informations pour un petit sac comme ça, je trouve. Mais oui, mais il est très beau aussi. Tu sais, tu vois plein de gros plein de Jelly Beans. Ben, c'est comme s'il y avait une tornade de Jelly Beans. Oh mon rêve. Un twister, mais sans le poulet, le wrap là, comme chez PF. Bref, je t'envoie ça. Je sais pas si ça va être vraiment le fun à ouvrir, mais dans le micro magique qui va être témoin auditif de l'ouverture de ce sac de Jelly Belly. Ça sent sucré. Ça sent vraiment très sucré. Wow. Ça sent beaucoup la vanille. C'est vrai. Oh! Hein? Il était pas scellé, évidemment, quand même. Non, mais en c'est fait, quand même... Il est tellement pas scellé que Myriam, quand elle me l'a donné, s'en est pris quelques-uns dans ma face. Bon. Fait que je vais en prendre un rose. J'ai proposé à Myriam, d'ailleurs, de venir goûter avec nous, puis... C'est tentant. Trop bon. Je vais en prendre un aussi. Il est comme jaune avec des taches oranges. C'est celui, je crois que c'est... il est dans la dernière rangée du sac en bas que j'avais dit qui m'intriguait, là. Guimauve grillé, celui-là, je crois. C'est pas Top Banana? Ah, peut-être Top Banana. Il y en a qui se ressemblent, ça. Ouais, parce qu'il est plus orangé. Je dirais que c'est Top Banana. Mais oui, c'est pas toujours évident là, de savoir lequel tu as tant que tu n'y as pas goûté. C'est ça. Il faut un petit peu de mystère, quand même. Les mauves grillés, c'est celui-là qui est acheté brun, si je me trompe pas. Ah, ils sont tellement beaux, là, pour vrai, là. J'aime tellement les jelly beans. Là, elle me connaît, Myriam, tu sais. Ensuite, j'en ai un tout blanc. C'est vraiment dur à dire c'est lequel. Ah, et j'en ai un tacheté jaune. Ça, d'après moi, c'est du popcorn. OK. Ouais, ça, c'est popcorn au beurre. Et le tout blanc, c'est soit coconut, c'est soit crème soda, c'est soit café latte ou vanille. Ils veulent vraiment te faire languir. Mais sens-le au pire, tu sais. Hein? Ouais, peut-être. C'est ça, je pourrais. Moi, celui au café, je vais laisser faire tout ce qui est bonbon aromatisé au café. J'aime pas ça. Okay. Donc, je vais éviter. Bon. Je vais m'en prendre une poignée, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, je vais goûter un tout blanc avant. Je crois que c'est vanille. Ah ouais. Moi, j'en ai deux pareils, je me demande si c'est sûrement le même. Deux genres de transparents beige. On dirait noix de coco, je vais les essayer. Ah, je n'avais pas eu de transparent. Hey, le tout rose, j'ai pas regardé, c'était quoi? Le tout rose bonbon, c'est quoi? Il y a Barbe à Papa. Ah, c'est Barbe à Papa. Okay. Moi, le mien, c'était pas notre coco finalement, c'était, je crois, soda à la vanille. Ça goûte vraiment le soda à la vanille. Très bon. Ah, c'est bon, c'est cru. Il sentait la Barbe à Papa, mais il goûte pas la Barbe à Papa. Barbe à mousse rose? Ah, je sais pas, mais c'est bon, là. Il y a gomme à mâcher aussi qui est rose. Moi, j'en ai deux roses. Les saveurs sont très prononcées, c'est vraiment bon. Tu sais, ça goûte pour vrai, là. Je crois que le prochain... Attends. Ah, popcorn au beurre, ça m'écœure. On dirait qu'il faudrait se nettoyer la bouche entre chaque, hein. Mais c'est parce que les saveurs... Pamplemousse rose, alerte. Je l'aime fort. Parce que les saveurs sont tellement réalistes... Ouais. Que un jelly bean, popcorn au beurre, j'ai vraiment l'impression de croquer dans une livre de beurre. À 9h le matin, c'est drôle. Je suis pas sûre. Mais goûte popcorn au beurre, il est déstabilisant. J'ai l'impression de manger, tu sais, les dragées surprises dans Harry Potter, que tu sais pas ça va être quoi. Celui-là? Popcorn au beurre, non, il est tacheté jaune pâle. Celui-là? Ouais, okay. Non, ça c'est orange, ça! Attends, je vais y goûter. T'es-tu daltonien? Ah, moi aussi, j'ai goûté l'orange. Non, c'est celui-là, popcorn! Arc! T'as raison, c'est lui, c'est popcorn! Il est vraiment intensément popcorn! Ouais, hein? Wow! Hey, il coule dans la bouche comme le beurre du popcorn coulerait dans ta gorge. Je te dis, c'est perturbant. C'est cool! C'est lequel le tacheté orange? En tout cas, moi, le tacheté orange, c'est le popcorn, là, celui-là ici. Le tacheté orange, là? Non, ça, c'est pas le popcorn. En tout cas, dans ma bouche, c'est le popcorn? Pas du tout. Mais t'en trouvais un popcorn, là. Ça se peut que je l'ai mal décrit, mais c'était clairement popcorn. Je vais goûter justement au C'est-tu encore du popcorn, là? Ah ouais, c'est encore popcorn. C'est drôle de partir à la chasse. Je sais pas, quand tu prends le... Quand tu fais ton sac de jelly bean, est-ce qu'il faut que tu choisisses un par un ou tu prends... Non, chaque saveur est identifié, okay. Séparé, là. Tu peux prendre une pelle d'un puis une pelle de l'autre. Exactement. Cool. Je vais y retourner, c'est juste à côté de chez nous en plus. J'ai pas goûté le transparent, c'était à quoi? Je crois que c'était sur de la vanille. Moi, j'en ai deux, j'ai pas eu beaucoup d'ensemble. J'en ai un qui ressemble un petit peu à des fèves, des fèves mexicaines. Genre un peu bourgogne, si on veut. Ouais. C'est quoi, tu penses, celle-là? Bourgogne. C'est soit chocolate pudding ou chocolat noir. Ah! Je vais mettre les deux en même temps. C'est drôle comment quand tu liches la coquille, quand tu suces un peu, ça goûte absolument rien, c'est vraiment dedans. J'ai goûté le bourgogne. Ah, hey non! C'est soda à la cerise. Et pareil! Oh! C'est pareil comme du coke cerise, pareil! Tu as goûté le Dr Pepper! C'est malade! Vraiment, vraiment bon. Coke cerise, même pour moi. Non, je veux d'autres Dr Pepper. On pourrait en manger pendant 5 ans. Ah, les tacs, t'as pas peur. M'as-tu les mangé? Tu dis que c'est cher, je m'en sac. Tu sais, quand tu penses au fait que des jelly beans dans une machine à côté de la chasse-galerie, t'en as 3 pour 25 cents. C'est pas moins cher. Bon, là. Ben non. Des jelly beans plates, c'est bon. C'est vraiment parmi les meilleurs bonbons du monde, les jelly beans normaux. Mais ça, ça vient de dépasser. Allez, les saveurs sont tellement intenses, ça, c'est bon. C'est vraiment réaliste. Faut que je laisse ma bouchée avant de parler, pardon. Ah. Bon. Donc, une fois qu'on a goûté à notre produit de la semaine, dans ce cas-ci, je le rappelle, les Jelly Belly, Jelly Beans en vrac. Très satisfaisant. Vraiment. On va parler de nouvelles de fast-food à travers le monde. Vous me direz, mais caler une nouvelle fast-food, j'en entends parler partout. Ouais, j'essaie d'en trouver des un petit peu plus obscures que d'habitude. S'il y en a que vous connaissez là-dedans, ben, tant mieux pour vous. On commence en Nouvelle-Zélande, chez PFK, qui offre... C'est du... C'est incroyable, hein? C'est un burrito, OK? Frit. Donc, le burrito, en tant que tel, est frit dans de la friture, rempli de poulet frit. Miam! Miam, hein? Donc, PFK, c'est la place maintenant pour la nourriture mexicaine, ou en tout cas inspirée par le Mexique. Et donc, en Nouvelle-Zélande, on a présenté le New Crispy Burrito. À la place d'utiliser des fèves... pas des fèves en gelée quand même, et du riz. Le burrito met en vedette à la place du poulet frit, donc des bandes de poulet frit, des languettes, ou deux, il peut en avoir une ou deux à la fois, du bacon, du fromage et de la sauce barbecue au bourbon, enveloppé dans un tortilla à la farine, et ensuite frit. C'est comme un fried chicken chimichanga, pour ceux qui connaissent les plats mexicains, les chimichangas. C'est disponible pour un temps limité, pour environ 3$ américains. PFK, qui avait présenté aussi des double shell tacos, tacos avec deux coquilles dans le même pays, qui ressemblait un petit peu au Taco Bell Double Decker Taco. Donc, il s'inspire un petit peu de Taco Bell, mais PFK, Taco Bell, genre de même fast-food qui est comme... tu veux pas aller là trop souvent. Non. Vraiment pas. Ensuite, un restaurant nommé Top Fucker Chicken a presque réussi à ouvrir en Virginie. Ouais. Oh boy. Peut-être sinon Boss Chicken, peut-être Fucking Chicken, dépend de la traduction des gens. Donc, c'est un nouveau restaurant de poulet qui était supposé ouvrir, qui va ouvrir à Arlington en Virginie. Le nom de la place avait été choisi, même si personne vraiment dans les propriétaires connaissait l'espagnol. C'était Chingon Polo, P-O-L-L-O, le poulet. Donc, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, pour ceux qui ont essayé de suivre des cours et qui les ont complètement échoués, qui n'ont pas trouvé dans des restaurants espagnols, quand même, c'est la version espagnole Chinga pour le verbe fourrer. Donc, pas nécessairement le nom idéal. Ah, mais il voulait dire farcir dans ce sens-là. Probablement qu'il voulait dire farcir. Quand tu prends un traducteur automatique sur Google, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon de faire. Peut-être trouver ton nom de restaurant Google Translate, c'est peut-être pas l'idéal. Non, peut-être le demander à au moins une personne qui parle un peu la langue. T'sais, c'est un peu comme quand tu te fais faire un tatou asiatique, puis après ça, t'es surpris que ça dit pas la même affaire que t'es supposé dire. Ben ouais. À un moment donné, faut pas ambitionner un peu, là. Ensuite, la vinaigrette qui goûte le beurre d'arachide, la pizza au fromage et plus encore. C'est Chef Kids qui vend en fait une ligne de vinaigrette pour salade. Oui, une vinaigrette pour salade. Ça s'appelle les Funnigrettes. Hein? Les Funnigrettes. Que c'est mignon. Malade. Donc, ça se vend pour 5$ par bouteille. Variété de saveurs. T'as pizza au fromage. T'as encore une fois PB&J comme du beurre d'arachide et de la confiture. Coco Berry. Ah. Donc, cacao et baie. Voilà. Honey Berry au miel et Lime Ricky. Un Ricky à la lime, je sais pas, c'est une sorte de d'alcool, je pense, un Ricky. Je sais pas. Je sais pas trop ça. Bref, oui, ça peut être bon. Je sais pas, ça doit goûter quand même un petit peu la vinaigrette. Ça doit pas être que du sucré. J'imagine qu'il y a un petit penchant sucré. Je sais pas, salé. Les saveurs m'écœurent tellement. J'ai l'impression que si tu t'achètes ça de la funnigrette, moi je pense qu'après tu le regrettes. Ah, oh, c'est drôle ça. Les étiquettes sont de drôles de couleurs aussi. Il y a celle pour miel et baie. Comme l'étiquette est mauve et jaune. Et l'intérieur, c'est comme un genre de Bourgogne, tu sais, un petit peu sur une mauve. On dirait que ça me rappelle un petit peu les bouteilles de ketchup mauve dans le temps, là, pour enfants. Des couleurs qui vont pas ensemble, mais c'est... Mais c'est ça, le but, c'est d'attirer les jeunes. C'est exactement ça. Donc, ça pourrait avoir un certain succès. J'essaierais facilement ces choses-là. Le cas échéant, si ça venait qu'à arriver ici. Ouais, tout ce qui est pour enfants, tout ça t'attire. Ben oui, mais ça, tout ce qui est nouveau et pour enfants m'attire. Ensuite, c'est le burger le plus cher du monde. Remplissez votre estomac en vidant votre compte en banque avec le burger luxueux qui vient avec les ingrédients les plus chers du monde, comme des flocons dorés dessus. Et ça ne dit pas super gros ce qu'il y a dedans, mais ça coûte 1 700$ par burger. Et présentement, je sais pas si c'est présentement, mais jusqu'à très récemment, il y avait un coupon sur Groupon pour l'essayer pour moins cher. Moi, je trouve ça cher pour se donner à diarrhée. C'est tellement vrai. et ça s'appelle le Glam Burger. Juste voir s'il y a pas... Mais le pire, c'est qu'il est même pas beau, là. Tu regardes non, la j'avoue. Photo, puis c'est pas super appétissant, là. Et j'ai trouvé un petit article sur nos amis du Huffington Post, des petites nouvelles faciles, comme toujours. Donc, vous êtes-il déjà venu l'idée que Burger peut scouter plus de 1000? Chris Large, chef cuisinier à Londres, a créé un burger qui défie toute concurrence. Dans son restaurant, le Honky Tonk, on vous sert le Glam Burger pour 1768$. Il y aurait eu dans un burger la plupart des ingrédients et aliments les plus coûteux. Ce burger se compose de truffes noires et d'une sorte de pâté de crabe directement importé du Japon. Sur ces deux ingrédients se superpose un bout de homard, du caviar de beluga, un peu de venaison, donc du gibier, et un œuf de canne. L'ingrédient ultime vient couvrir le tout, c'est une feuille d'or que vous pouvez manger. Voyons donc. Le $1000 Tasty Glam Burger, pas le Clam Burger comme une chaudrée de palourde, Clam Burger. Quoique ça, je mangerais ça aussi, un Clam Burger. Un burger au palourde? Ben oui. Ben ouais. Ensuite, c'est des guimauves à saveur de cookies and cream. Ah? C'est la saveur biscuit et crème, on connaît ça pour les barres de chocolat. Je trouve que ça goûte rien. J'ai jamais vraiment trippé mon J'aime pas ça. Je trippe pas. Mais quand même, donc c'est des guimauves à cette saveur-là. C'est donc ça combine un peu la saveur à la Oreo, même si je trouve moi que cookies and cream, c'est pas vraiment la saveur du Oreo. Non, Oreo est supérieur. Mais hein, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis pour sucrer ça autant que ça dans la crème, là, mais j'sais la crème pas, mais... est géniale. Un biscuit, une gorgée de lait, une gorgée de lait. Puis double stuff, à quel les quadruple ou quintuple stuff? Pour vrai. Bref, c'est ça. Cookies and cream, marshmallows pour 18$ américains. On retrouve ça sur... on retrouve ça, Steph, savais-tu qu'on vendait de la bouffe sur Etsy? Moi, je savais pas ça. Je vais passer souvent sur Etsy, mais il y a de la bouffe. C'est le Sugar Pop Bake Shop qui nous offre ça pour $23.28 canadiens. En ce moment, il y en reste seulement un en stock. Un peu cher. Un peu cher, en effet, mais il y a tout plein d'autres choses sur la même boutique. Il y a des guimauves cacao café, biscuits cookies crème, guimauves s'mores. Oh, ça a l'air mais bon. C'est très cher parce que c'est très facile à faire, hein, guimauve cookie and cream. Tu fais juste de la guimauve à la vanille et tu la roules dans le biscuit. Rien de plus compliqué que ça. Voilà. Ensuite, la nourriture coréenne, ça peut être bon pour la santé, ça peut être délicieux, comme ça peut être mauvais pour la santé, comme n'importe quelle nourriture, je pense. Ces repas-là ici ne sont vraiment pas bons pour la santé, ils ne sont pas non plus recommandés pour être mangés par un être humain. C'est noté par le site web coréen Insties. Donc, on a changé un petit peu le plat traditionnel du bibimbap. Bibimbap, on dirait une toune hip-hop. Là. Bibimbap, bibimbap. C'est pas la toune des Hanson. Bibimbap, bibimbap. Donc, c'est une photo d'un bibimbap avant d'être mélangé. Donc, des légumes qui sont très bons pour le corps humain. On voit les petits légumes là-dedans. On voit entre autres des champignons, je crois. Sûrement des petits piments. Des trucs comme ça. Ça a l'air très, très bon. Ensuite, on mélange ça avec une cuillère. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Donc, c'est un bibimbap. D'habitude, c'est un mélange de légumes. Okay? Ça a l'air très bon. C'est santé, ça. Mais ils sont allés de l'autre côté, les étudiants, là-bas. Okay. Dans une complètement contraire direction. C'est du bibimbap froid, totalement mauvais pour la santé et dépendant de votre amour pour les choses sucrées, ça pourrait vous causer quelques remous dans l'estomac. On a mélangé des Reese's Pieces, des céréales au chocolat, des guimauves. On a fait un drizzle de chocolat par-dessus, des Reese's Pieces, des M&M, des bouts de je pense que je sais pas si c'est un coulis de chocolat ou de beurre d'arachide qu'on voit à l'arrière-plan à droite. On a mélangé tout ça pour faire un bibimbap qui est comme un genre pas un tout-ski, mais comme des légumes asiatiques, mais avec du chocolat à base. Ouais. Ça a l'air bon, hein? Ouf. Je trouve que ça a l'air très, très bon. Voilà, donc c'est des images qu'on peut retrouver sur assemblagerequis.com. Ça donne mal au cœur. Crème glacée, popsicle, biscuit, on pourrait mélanger n'importe quoi là-dedans. N'importe quoi. Ouais, vraiment, c'est la fois que tu fais comme un gros sundae. Une giblotte, Une poutine, on va se ouais, dire. Ouais, c'est une poutine. La définition même du mot poutine, finalement. Ah, oh, ça va bien finir, ça, Steph. C'est un magasin de bonbons à Los Angeles qui essaie de battre le record du monde pour le plus gros peanut butter cup. Ah bah ça c'est bon, cool, ça voilà. J'ai compris. On a l'autre. Donc il y a des emplois bien sûr qui sont plus fun que d'autres. Peut-être justement essayer de briser un record avec les ingrédients de ta compagnie par exemple. Tiens, c'est un magasin de bonbons de Los Angeles qui essaie de battre le record pour le plus grand peanut butter cup. Là, ça c'est les Reese's comme on appelle. Donc c'est ça, ils veulent évidemment remplir leur rêve dans une piscine pour enfants. Avec du beurre d'arachide et du chocolat pour obtenir un bonbon énorme. Donc, c'est le Candy Factory à LA. Selon NBC News, les gens de la compagnie ont utilisé plus de 440 livres d'ingrédients, ce qui bat donc le record qui était détenu par le Vermont qui pesait 250 livres, pas le Vermont, mais le Buttercup. Le, Buttercup. Le record doit être vérifié encore aujourd'hui par Guinness. Mais une fois que ce sera fait, ce sera un record. Génial, hein? Et ensuite, il était combien pour le manger? En fait, ça dit que il va être vendu en petits morceaux et ça va être pour une œuvre de bienfaisance. Ah! Non sûrement pas d'énormes prix, mais quand même. Quand même, voilà. Est-ce que ça te satisfait comme fin de chronique? Oui, c'est bon en plus. Peanut butter cap. Ça, puis des jelly beans, tu fais ma journée! Les liens sont sur assemblagerequis.com, bien sûr. Au retour, plus d'une grosse pointe d'adresse à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Bonjour, vous êtes toujours à ce spécial guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis. On est dans une grosse pointe d'adresse. On fait ça chill sur le bord du foyer avec le spa et la peau de... D'ours? Ah, c'est un caribou. Il me semble que c'est un caribou. C'est vrai, t'as raison. Je sais pas si ça se fait techniquement une peau de caribou. Je sais pas, hein. Attends, je me le demande. Mais il existe des peaux de vache. J'imagine qu'une peau de caribou, ça se fait. Sûrement, tout est possible si tu le veux vraiment. Ça, c'est... T'as bien raison. Puis au nombre de caribous et d'orignaux qui sont tués sur la route. Ah, hein? Ben oui, qui pendant se font, les fêtes. Oui. Tout à fait. Pourquoi ne pas les mettre leur enlever la peau. C'est ça, enlever la peau. T'as tout compris. Mais on n'a pas goûté à de la viande dans une grosse pointe d'adresse cette année. On est rendu à la fin du mois d'avril et je me souviens que c'est la dernière chronique qu'on a fait à l'hiver et qu'on s'était gâté avec des biscuits aux brisures de chocolat à la menthe. C'était l'Oreo ou... Ouais, c'était peut-être même des Oreos. Ah, OK. Il me semble bien que c'est des Oreos. Mais l'important, ce que j'ai retenu de ça, c'est que dans le prochain bloc, dans la prochaine heure qui s'en vient, tu vas arriver à la fin. Oui, j'arrive. Je pense que c'était la première pointe d'adresse qu'on faisait. Exactement. C'était le 10 septembre. Oui. Et tantôt, on va goûter à un mélange de bonbons et de chocolat ensemble. Je me souviens de ça. À partir de là, là tu vas être là tout le temps. Oh, c'est génial. Mais pour l'instant, des petits biscuits. Des petits biscuits. Comme pour le Père Noël. Ben oui, faut pas oublier le lait. Ou comme en Irlande, le whisky. Comme on le fait à chaque semaine, les mardis, on aime ça manger quelque chose, boire quelque chose, on sait pas trop. On fait ça en alternance. Des fois, c'est Master Steph, mais plus souvent qu'autrement, tu sais. Mais on a quelque chose en bouche. On a quelque chose en bouche, toujours. Plus souvent qu'autrement, c'est une grosse pointe d'adresse. C'est une grosse pointe d'adresse, la chronique dans laquelle on se dirige dans un marché grand public, un endroit où les gens vont acheter de la nourriture malsaine. Et cette fois-ci, pour faire changement, à la place d'être moi qui étais dans un dépanneur juste à côté de chez nous, c'est Stéphanie qui m'a amené quelque chose, en fait nous a amené quelque chose, vous a amené quelque chose. C'est ouais, t'as trouvé à qui ça s'adressait? À tous et chacun. Ben écoute, j'ai essayé de pénétrer dans ton corps, Mathieu. Ah, merci. Quand je suis entrée à l'épicerie, je me suis dit, qu'est-ce que Mathieu ferait? OK. Donc là, j'ai essayé de spotter des trucs qui étaient nouveaux. En fait, c'est pas vrai, je l'ai vu après que c'était nouveau, parce que c'est pas écrit très gros sur l'emballage. Donc, à quel point c'est nouveau? Moi, je sais pas, ça fait combien de temps que c'est nouveau. Parce est-ce des que fois, le nouveau ça... est de plus en plus petit de mois en mois jusqu'à temps qu'il l'enlève ou... Je sais pas. Ben c'est ça, moi, je sais pas si c'est à quel point c'est nouveau parce que je regarde jamais dans ces allées-là. Non. Mais j'ai apporté, c'est une nouvelle gamme de biscuits Chip Ahoy. Wow! Est-ce que tu les as déjà vus goûter? Ceux-là, non. J'ai goûté à un autre sorte de Chip Ahoy comme ça, mais pas celui-là spécifiquement, non. Ben, est-ce que tu as goûté à la collection Régal de la Crèmerie? Je me rappelle avoir goûté à un, mais je me rappelle pas quelle saveur c'était. Donc, moi, je trouve ça vraiment cool. Dans le fond, Régal de la Crèmerie, c'est tout simple. Ça nous dit la crème des saveurs de la crème glacée. Oui. Donc, ce sont des biscuits chewy. Hein, donc, les tendres Chip Ahoy, Chip Ahoy, comme j'aime les appeler, à saveur de crème glacée qu'on retrouve dans les crèmeries. Mm-hmm. Donc, moi, je trouve ça vraiment cool. Donc, moi, j'ai choisi saveur brisure de chocolat à la menthe. C'est un bon choix. J'aurais pas naturellement pris ça à la base. Parce que d'habitude, quand on me propose des doubles chocolats, quadruples chocolats, maintenant, je vais sauter là-dessus. T'sais. Mais en fait, de le régal de la crèmerie, il y avait comme saveur, si je me trompe pas, c'était mocha. Dolce de leche, je crois. Ouais, c'est ça, dolce de leche. Et celle-là, j'en ai pas vu d'autres. Je crois que j'avais acheté mocha, moi. Je crois. En fait, tu sais, on s'entend, les trois avaient l'air bons. C'est là. Ça, mais je suis content que t'aies pris celui-là parce que celui-là, je l'ai pas goûté. matin. Et je trouve ça beau, hein? On voit le biscuit au chocolat avec les petites pépites de menthe ça sur le dessus. Ça a l'air trop beau pour être vrai, non? Ben, c'est sûr, là, c'est un dessin agrandi pour montrer la texture. Ouais, sauf qu'ils agrandissent rien que les brisures, pas tant le vrai. Biscuit, tu sais. Fait qu'à un moment donné, branche-toi. C'est vrai. Donc, l'emballage, je le trouve très, très beau. Oui. C'est un bleu turquoise avec plein de petits motifs, tu sais, style des confettis avec des cornets de crème glacée. C'est écrit « delicious »,« fun »,« délicieux ». Amusant, probablement. Yummy. Oui, amusement. Amusement. Ouais. OK. Chillin'. Oui. Donc, c'est très beau. C'est très, très festif. Très jeune, je trouve. Ça va attirer un public enfantin, il me semble, comme apparence. Ça fait un peu c'est vrai. Carnaval. C'est vrai. Mais je pense que c'est ça le but des crèmeries, c'est de faire quelque chose de très festif, très estival. Une chance que ça existe, on va se le dire, les crèmeries. Et c'est... Bien sûr. Puis on parle de les crèmeries, pas la crèmière en spécifique. Non, c'est ça. Les crèmeries le en général. Et c'est écrit Régal de la crèmerie sur un petit. Un auvent. C'est ça, un petit auvent rayé blanc et rouge. Donc, très cliché, mais c'est ce qu'on veut pour aller rechercher l'effet désiré. Et on voit que la saveur est écrite dans une forme de boule de crème glacée. Oui, c'est vrai. J'avais même pas remarqué, hein? T'as raison. C'est très beau. Et les vertes en plus, comme la menthe, la bulle. Voilà. Donc, c'est ça, ils sont allés avec la couleur qui correspond à la saveur. Ouais. Donc, on voit le nouveau est écrit en tout petit. En bas à droite du Chip Ahoy. C'est comme une bulle si Chips Ahoy disait ça. Nous, hey, je suis nouveau. Ben, en fait, je pense que c'est aussi en forme de boule de crème glacée. Je pense que oui. Une petite boule de crème glacée à la vanille, celle-là. C'est l'emballage typique des Oreos avec l'autocollant sur le couvert. Oreo? Ouais, les Oreos ont ça, une petite languette. Ben, les Chip Ahoy Chewy, ça fait longtemps qu'ils sont comme ça aussi. Donc, c'est ça, c'est une petite languette qu'on ouvre sur le dessus. Donc, ça referme supposément de façon hermétique. Ouais. Ben, plus que les autres. Mais pas dur à battre, les pas autres, avec, tant que ça. Avec la petite barre de genre pliable là, que personne n'aime. C'est pas le fun. Ben, je sais pas. Moi, j'ai toujours été très à l'aise avec ça. Je reviens jamais sur le bon bord. C'est ouais, plus mais... parce que je suis calme. C'est ça. C'est ça. Donc, ça dit aussi ça. C'est-à-dire onglet facile à ouvrir et à refermer hermétiquement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? 5 mai 2015, la date d'expiration. On a encore du temps. Oui, c'est sûr qu'il en restera plus. on regarde les ingrédients. Donc, farine de blé enrichie, ça commence bien avec la farine. Ensuite, glucose, fructose, on s'y attend, hein, c'est du sucre. Huile de palme, huile de palme modifiée, c'est dégueulasse. Brisure de chocolat mi-sucré. Morceaux à la menthe, on sait pas trop. Morceaux à la menthe. Ouais, ça explique, c'est fait avec quoi, là, du sucre? Des huiles de palmier, c'est de palme modifiée, c'est dégueulasse. Non. Substance laitière, bla, bla, bla. Ensuite, sucre encore. cacao, amidon de maïs, dextrose, bicarbonate de sodium, sel, hydrogénocarbonate d'ammonium. Tout à fait naturel, son nom. Arôme artificiel et contient blé, lait, soya. Bon. C'est le genre de chose qui m'a l'air extrêmement sucré. Genre que un ou deux de suite et t'en as ta dose pour la journée. Probablement. Ouais. La crème glacée, il y avait la crème glacée à la vanille en spécial. J'ai acheté ça, je me suis dit, je vais l'émietter dessus avec une banane. Je vais faire une banane à split. Je me suis dit que ce serait bon. Mais hey, j'ai acheté enfin, là, ça faisait longtemps qu'on me l'avait conseillé, mais la crème glacée. Tu sais, la marque, là, en gros, Sceaux, là. Quatico? Ils font maintenant des versions de luxe. Oui, oui, oui. Et il y en a une aux pépites d'étire d'érable. Je l'ai acheté, j'ai pas encore goûté, j'ai hâte de la goûter. J'aimerais ça pouvoir l'amener pour la goûter en studio. Ouais, mais ça serait fun. C'est pas faisable. On fait une émission spéciale live de chez vous. Oh, good idea! Mais j'ai hâte. Bref. Donc, j'approche le micro magique dès maintenant parce que je veux l'ouvrir, le sentir et le goûter. Avec le petit cello-matic autocollant du Chips Ahoy, Régal de la crèmerie à la menthe. Et on n'oublie pas de dire, c'est fait par Christy. Et Christy Maison, j'avoue, il fallait pas l'oublier. On t'écoute. Et oh! Ah, oh, j'aime l'effet que ça donne. Ben, je voulais pas que, tu sais, que la boîte de biscuits vole partout. Genre, mettons, ça pourrait être malaisant de perdre un aussi bon stock. Oh, ça sent vraiment beaucoup le chocolat et la menthe et à la menthe. Fois. Donc, l'odeur est très, très présente. On peut pas se tromper. Ça sent les After Eight, là, si on veut. Hey, ça, c'est quelque chose qui me fait triper dans la vie, c'est bien les After Eight. Hein? Les York Peppermint Patties, j'adore les York. Ben oui, c'est très bon. Je sens donc, aussi. Oui, c'est agrandi, là. Le biscuit n'est pas aussi gros que ça. Non, mais pas trop... c'est peut-être moins que le double de plus grand sur l'emballage. Mais moi, je suis satisfaite par la grosseur des pépites. Oui, ils sont de la même grandeur proportionnellement que sur la photo, quand même. Oui. Est-ce que tu y vas avec une bouchée bon. Ou deux, toi? Comment? Ouais, ça sent vraiment comme tu dis les York et les After Eight. Ah, vraiment? Je me demandais si elle prendre deux bouchées ou une. Moi, c'est clairement une, je pense. Ah, une? C'est des petits biscuits. Ah, oh, on se rentre ça direct dans l'huile. Ça rentre en masse, ok? Go! Go! C'est moins mou que j'avais pensé. Ouais, moi ça aussi. Ça s'effrite plus. Mm. Dans le bon sens. C'est un peu plus brownie, je trouve. C'est vrai que c'est très brownie. Mm-hmm. Mais un brownie steak. Ouais. Mais biscuit mou. J'aime ça, j'en prends un deuxième, ça. J'aime beaucoup cette texture-là. Moi aussi. C'est ça fait vraiment, pour vrai, là, et c'est rare que je veux dire ça de biscuit, mais ça me rappelle un peu les biscuits Savoy. Un peu. Ah, moins gras un peu, mais... Un peu moins gras. Ah, c'est très bon. J'adore ça, vraiment. Mais j'aurais peut-être préféré que ça goûte un petit peu plus le chocolat. OK. Moi, j'aurais préféré peut-être... plus de menthe. Parce que je trouve que c'est très, très goûteux menthe, là. Ouais, mais pas assez. C'est un petit kick. J'aime ça avoir froid dans la bouche quand je mange la menthe. Non, mais j'ai pas l'impression de manger de la gomme non plus, tu comprends? C'est vrai, t'as raison. Mais je suis certaine qu'émietter sur la crème glacée à la vanille, là, c'est à se rouler par terre. Tu ferais ça, t'as émietté des biscuits? Ben c'est ça que j'ai l'intention de faire, en fait. Ouais, ça demande. Ou, ce que tu peux faire, tu prends deux biscuits, tu mets de la crème glacée à la vanille à l'intérieur, tu le refermes, tu l'emballes, et là, le biscuit va ramollir. Tu te fais une sandwich à crème glacée avec des biscuits. Hey, j'essaie tellement ça. Ça, c'est du génie, Stéphane. Je vais vraiment essayer ça. Tantôt, en arrivant chez moi, je mets ça au congélateur, puis je mange soupe de sarrasoir. Malade. Fait que c'est très bon, mais je me serais attendu à un peu plus chewy. Moi aussi. Pour la mention chewy sur l'emballage, c'est pas très chewy. Mais c'est sûr que c'est parce que si tu compares avec leur version traditionnelle, c'est très chewy. Faut dire donc aussi c'est que... c'est relatif. Il y a beaucoup de copeaux de menthe qui viennent un peu briser l'élan de ta dent. Quand tu manges, j'ai l'impression que ça vient un petit peu empêcher d'être aussi chewy, on dirait. Ça croque beaucoup à cause de la menthe. Tu trouves? Moi, je trouve que oui. Moi, j'ai l'impression que ça fond bien. Peut-être, ça dépend peut-être aussi de la température, peut-être de la pièce ou ça fait combien de temps que tu les as achetés. Mettons, si tu étais longtemps sur tablette, mettons avant. Un petit 5 secondes au micro-ondes. Oui! Je pense que tu viens de trouver l'indice du jour. 5 secondes au micro-ondes. Ça, il y a des sandwichs crème glacée avec ça. C'est immanquable. Donc, essayez-les. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Oui, les saveurs, c'est très cool. C'est super beau. Voilà. Génial. Il nous reste encore probablement une chronique à faire ensemble là-dessus. Donc, on va en profiter. Peut-être qu'on va en faire deux par semaine. On va voir. Parce qu'il me reste encore un petit back order. Un backlog, voilà, d'une grosse pointe à l'adresse. Maintenant, pour accompagner la nourriture que Stéphanie nous a si gracieusement apportée, merci encore, on a des nouvelles de fast-food à se faire. Les travailleurs de McDonald's, pour commencer, disent qu'on leur a dit de traiter des brûlures avec de la mayonnaise et de la moutarde. Ouais, travailler dans une cuisine chez McDonald's, ça peut présenter une multitude de dangers de brûlures, que ce soit de l'huile de cuisson, un grill avec une flamme, etc. C'est sûr que si tu te mets la main dans la friteuse, quoi de mieux qu'un peu de mayo pour compléter ton hot dog et ta frite? C'est ça, une main panée et c'est vite arrivé, comme on dit. Bref. Donc, des accidents, ça peut, oui, rapidement arriver. Mais certains travailleurs chez McDonald's disent que leurs restaurants font cuire trop de nourriture avec trop peu de personnes. Et lorsque les employés se blessent, la gérance a quelques drôles d'idées pour ça. Donc, c'est Fight for 15, un groupe syndiqué de travailleurs du fast-food qui demandent de meilleurs salaires. Aux États-Unis, c'est la grosse controverse en ce moment, les meilleurs salaires pour les employés de fast-food. Ils ont annoncé donc que les employés de McDonald's dans 19 villes partout au pays ont envoyé 28 plaintes de santé et de sécurité avec leurs autorités locales, d'État et fédérales. Non seulement ce que les travailleurs disent qu'ils sont mis dans des situations qui ne sont pas sécuritaires, comme se faire dire de nettoyer la friteuse alors que l'huile est toujours chaude, mais que les restaurants n'ont pas d'équipement de premiers soins. Un employé de McDonald's à Chicago dit qu'il s'est enfargé sur un plancher mouillé pendant qu'il travaillait et il s'est brûlé le bras. Les gérants lui ont dit de mettre de la moutarde dessus, dit-il dans son témoignage. Mais finalement, il a été amené à l'hôpital en ambulance rapidement. Un autre employé dit que son restaurant à Philadelphie n'avait pas les équipements nécessaires pour disposer de l'huile de friture, de cuisson. Donc, ils lui ont dit de domper la graisse chaude dans un sac de plastique dans une boîte de glace. Okay. Son collègue, dit-il, s'est très fortement brûlé et leur gérant leur a dit de mettre de la mayonnaise dessus. Donc, tu vois que quand ça se reproduit dans plusieurs villes avec de la mayonnaise, de la moutarde, on voit que c'est pas un problème qui est unique à une seule localisation de McDonald's. Et pourtant, tout le monde sait que c'est du beurre. Oui, qu'il faut mettre. Pour que ça crépite un peu. Là. Rajoute, enroule ça dans du bacon, ta blessure. Ça va être... au four à 425. Parfait. à point. Donc, évidemment, McDonald's dit que la compagnie va voir ses allégations et étudier le sujet, etc., etc. Mais bon, évidemment, ils disent qu'ils ne sont pas responsables de ça. Ils enquêtent là-dessus. Ensuite, Burger King qui va apparemment laisser les décisions à un poulet maintenant. Pourquoi pas? Lorsqu'on détermine où lancer de nouveaux articles pour un menu, on pourrait penser que la plupart des restaurants de fast-food allaient penser à plusieurs facteurs, comme la popularité dans un endroit, le coût, les ventes projetées. Mais apparemment, Burger King et le retour de ses chicken fries, la seule opinion qui importe est celle d'un vrai poulet nommé Gloria. Burger King a donc annoncé qu'ils allaient demander l'aide de Gloria pour déterminer quels endroits au pays allaient pouvoir vendre les chicken fries pendant une journée, selon Adage. Donc, Burger King a présenté pour la première fois des petites bandelettes de viande de poulet blanc en forme de frites en 2005. C'est pas Gloria. Le poulet, ah, non. Qu'on mange. Non? Ben non, voyons non. Donc, en 2005, ils ont enlevé du menu en 2012. Et ensuite, au mois d'août, la compagnie a annoncé qu'ils allaient ramener ça pour une durée limitée. Et ensuite, ça a été tout vendu. Donc, pour capitaliser sur la popularité de cet article à durée limitée, Burger King a lancé la Random Gloria Tour, une tournée, donc Gloria au hasard, où Gloria allait apparaître dans différents Burger King partout au pays et décider si les chicken fries allaient être ajoutés au menu pendant une seule journée. Oh. La décision était donc à savoir si Gloria allait piquer un peu les graines dans le bol écrit oui ou dans le bol écrit non lorsque retirée de sa cage. C'est n'importe quoi. C'est cool, hein? Donc, Gloria, c'est pour vrai. Selon le site web dédié aux chicken fries de Burger King, on dit qu'elle a toujours voulu être dans le spotlight sous les projecteurs. Ses amis à la ferme l'adoraient pour son charisme. Et maintenant, elle est enfin sur la scène pour montrer ses vrais talents. Fallait voir chickenfries.com pour en savoir plus. Mon Dieu, on se créerait dans Madagascar ou Open Season, où les animaux ont des personnalités. Ah, comme pas dans la vraie vie, malheureusement. Il y a eu un accident, là on retourne au début du mois de... En fait, à la mi-mars environ, c'est un gros camion qui a fait un accident et qui a renversé une tonne de Twizzlers, je sais que t'aimes ça. Oh mon Dieu! Sur l'autoroute, donc pendant la nuit au sud de Pittsburgh, une autoroute a été transformée en une usine, ou une place où on peut acheter des bonbons, finalement une foire alimentaire. Et la police dit que c'est la brume qui a peut-être causé cet accident-là. Ils ont renversé le trailer en plein milieu de la route, renversant tout son contenu sur la route. Voilà, c'est T-Twizzler sur l'autoroute 70 aux États-Unis. Je me serais couché dedans, j'aurais fait des anges dans les Twizzlers. Ils ont laissé l'autoroute fermée pendant plusieurs heures et ils ont dit qu'il y avait de la réglisse partout. Il y a un méchant dégât, là. On voit la photo, il y a un méchant dégât, là. En effet. Ensuite, les archéologues ont découvert un bretzel vieux de 251 en Allemagne. Oui, on peut voir la photo sur assemblagewiki.com. Donc, les archéologues et les amoureux de fast-food partout dans le monde sont excités par la découverte comment est-ce que tu appelles ça en français? Bavaria. En Bavarie. On va dire ça comme ça. Et les scientifiques ont donc découvert un bretzel vieux de 250 ans, quand même en assez bonne forme. C'est ça. Apparemment qu'on a brûlé le bretzel pendant le processus de cuisson. C'est ce qui fait que ça a conservé son allure. On dit que c'est le plus vieux bretzel au monde. Les archéologues ont trouvé ça, donc cette pâte brûlée avec plusieurs rouleaux de pâte, rouleaux déroulés, là, genre le petit pain, et des croissants aussi pendant leurs excavations à Regensburg en Allemagne, selon NBC News. Donc c'est une sensation dans le domaine archéologique. Quelqu'un dit du Bavarian State Department of Monuments and Sites a dit que dans ses 30 années dans ce domaine-là, il n'avait jamais trouvé d'objets organiques. Donc, le carbon dating, la technologie qu'on utilise pour savoir l'âge de la nourriture, dit que ça a été fait, la nourriture et d'autres choses, a été fabriqué, donc, ce bretzel entre 1700 et 1800 et a survécu jusqu'à aujourd'hui à cause de sa technique de cuisson. Donc, des produits qui sont cuits au four, mais pas au four, évidemment. J'imagine que c'était pas au four. Entre 1700 et 1800, je sais pas. Un four au bois, peut-être. Ouais, peut-être pas électrique. Le feu, il y avait le feu. Quand même, le feu, oui, il y a quelqu'un qui avait découvert ça. On me dit, ouais, c'est ça, à l'époque, il y avait ça. Ouais. Ouais. Bref, on dit que c'est une méthode typique à l'époque. Donc, c'est ça, c'est pas mal ça. Ça dit quoi sinon? Que ça montre, oui, la vie de tous les jours que les gens faisaient, en effet, des bretzels à l'époque. Ouais. On sait pas si quelqu'un a pris une bouchée, mais. Ensuite. On dirait un gros caca. Ben oui, en effet, je n'allais pas le dire. Mais le caca existait à l'époque aussi. Moi, je pense que c'était un caca en forme de bretzel et ils se sont trompés. Mais j'avoue que l'embranchement, c'est parce que c'est comme un coin de bretzel et genre une diagonale qui est plus apparemment. Ça a l'air, ouais. Bref, drôle de forme de crotte. Ensuite, le Dushane, c'est du Mountain Dew qui ressemble à l'alcool, mais qui n'en est pas vraiment. Oui, à l'époque où le sirop à haute teneur en fructose, le High Fructose Corn Syrup, le sirop de maïs, ça n'avait pas été inventé. La phrase Mountain Dew voulait dire quelque chose d'autre. Donc, ce nom-là maintenant nous rappelle la boisson gazeuse. Mais à l'origine, ça faisait référence à de l'alcool fait maison à base de maïs, qu'on appelait le Moonshine. Ouais, Moonshine. Donc, Mountain Dew sort une édition limitée qui est supposée rappeler l'apparence du Moonshine tout en enlevant le maïs du breuvage. Donc, le breuvage est en emballage de 4 bouteilles de vitre transparentes et le liquide à l'intérieur est aussi transparent, complètement transparent, comme du crème soda. Et c'est à saveur vague d'agrumes. Mais pas tant que ça. Donc, est-ce que c'est de l'alcool? Non, c'est pas de l'alcool, c'est du Mountain Dew, mais le nom de commerce, le nom de marque est le Mountain Dew Dushane, qui ne contient pas d'alcool, même si c'est nommé en l'honneur de cet alcool-là. Ce qu'on sait pas encore, en tout cas en regardant de l'article, c'était si ça contenait de la caféine. D'après moi, probablement. Ça suit le pattern, si on veut, de la précédente saveur Mountain Dew Heritage, le Johnson City Gold en 2012. Donc, il était caféiné, donc ça devrait être la même chose pour ce modèle. Ça vient dans des boîtes qui ressemblent à des vieilles bouteilles de l'époque, avec la mascotte aussi de Mountain Dew de l'époque, qu'on n'a pas vu depuis un bon bout. Et donc, ça utilise du sucre de canne à la place d'utiliser du sirop de maïs à teneur élevée en fructose. Et c'est en vente maintenant aux États-Unis. On dit qu'on peut mixer ça avec du whisky pour peut-être ajouter une petite teneur d'alcool. Mais on peut pas avoir ça ici? Pas encore. Ay, je le souhaite tellement juste parce que c'est beau, j'en veux. On dirait une boîte de bois, mais c'est clairement du carton, là, mais il aurait dû, tant qu'à ça, y aller avec des boîtes de bois. Ouais, ça aurait été très, très cher. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ay. Mais des belles bouteilles, pour vrai. Et un bel emballage. Allez voir la photo sur assemblagerequis.com. Tiens, la science nous dit maintenant, un peu comme dans Merci Science ou Mathieu Planchon, on va parler de science, on va la remercier d'exister. On dit que le son qu'une nourriture fait peut changer ton expérience lorsque tu manges. Ah? Ouais. Donc, on pourrait penser qu'entendre... En fait, que le facteur le plus important, c'est évidemment le goût, l'odeur et même regarder peut-être du bacon, cuire peut-être une patate chip. Hein? Mais le son que tu as dans ta tête importe. C'est une nouvelle étude qui nous parle de ça. On appelle ça le Forgotten Flavor Sense, donc le sens oublié de la saveur. Dans un nouveau rapport publié dans le journal Flavor, quand même pas pire comme nom de journal, Flavor. C'est le chercheur Charles Spence. Spence, que c'est ça que je voulais dire. Professeur de psychologie expérimentale à l'Université Oxford. Qui a donc fait passer en revue, si on veut, un paquet de textes et de recherches par rapport au son qui peut changer notre perception de la saveur. Il arrive à la conclusion que le son que la nourriture fait est une partie intégrante de l'expérience de l'alimentation. Et puis, même si... c'est ça. Il dit donc que les gens utilisent le son pour comprendre le goût de nourriture, même si ils ne savent pas qu'ils le font. Dans le fond, c'est inconscient. Ce qu'on entend peut donc nous aider à identifier la propriété texturale, si on veut, donc la texture du produit. Donc, par exemple, si c'est croquant, croustillant, s'il y a un craquement, ou même peut-être même... D'autres synonymes. D'autres synonymes, c'est ça, mais c'est pas moi, c'est ça. C'est des synonymes, en tout cas, assez proches. Ou sinon, les petites bulles dans la liqueur, etc. Donc, le son joue un rôle crucial pour déterminer si on apprécie l'expérience. Une étude nous apprend donc que les clients utilisaient le mot « croquant » plus que n'importe quel autre descriptif en évaluant 79 nourritures. En mordant dans une pomme qui faisait un bruit de fraîcheur, si on veut. Donc, la pomme est vraiment fraîche. Donc, le craquement, si on veut, caractéristique de ça. Ça va être une autre expérience par rapport aux dents qui toucheraient à une pomme qui serait plus molle. Ils ont coté différemment le goût que la pomme allait avoir, finalement. C'est quand même intéressant. Et pourtant, il y a des gens qui préfèrent leur bacon mou. Ah, je les comprends pas, ces gens-là, qui ont un petit peu de gras là-dedans. Non, moi non plus. Je suis pas capable. Moi, c'est extra cuit, le bacon. Extra cuit. Je veux que ça éclate dans ma bouche. Et le plus de gras possible. Pas oublier les essuie-tout quand tu fais du bacon. Jack in the Box qui a battu le record Guinness pour le plus gros coupon au monde. Et pour célébrer, ils ont fait un événement Buy One, Get One Free sur les Buttery Jack Burger qui était disponible au début du mois d'avril. Donc, le record du coupon est de 80 pieds de haut et 25 pieds de large. Vous pouvez voir une photo, évidemment, sur une bâtisse de ce grand coupon-là. Et vous pouvez, en fait, vous pouviez, aux États-Unis, prendre une photo du coupon sur la bâtisse et l'amener pour avoir ton hamburger gratuit. L'amener où? L'amener dans un n'importe quel Jack in the Box, un fast-food. OK, dans un... OK. Dans un restaurant. Je connais pas ça. Non, on n'a pas ça ici, malheureusement. Ensuite, tiens, c'est des nouilles pour les paresseux. Des nouilles pour les paresseux? Attends un peu, les nouilles, c'est déjà les affaires les plus paresseuses au monde. Faire cuire des pâtes, ça demande quand même plusieurs étapes, dont faire bouillir de l'eau. Ouais. Étape 2, ajouter les pâtes. Étape 3, peut-être brasser les pâtes. Étape 4, enlever l'eau des pâtes. Et étape 5, mettre les pâtes dans le chaudron. Une fois que tu l'as vidé, rajouter de la sauce. Ça commence à faire pas mal d'étapes. Non, pas vraiment. Non. Donc, Barilla, la compagnie de pâtes célèbre, arrive et invente une pâte sèche qui ne demande que ce que l'on mette des pâtes dans le chaudron, qu'on ajoute de l'eau froide, qu'on allume évidemment le volume du, du fourneau et qu'on brasse occasionnellement. Et en 10 minutes, les pronto pasta vont avoir absorbé l'eau et les pâtes vont être parfaitement al dente. On n'a qu'à ajouter la sauce directement dans le chaudron sans avoir à rien vider. La viande, les légumes, peu importe, et tout ça est cuit dans un seul chaudron sans avoir à rien à faire de plus. Avoue que l'idée est quand même cool. Ça va faire la même chose qu'avec le riz. Il va tout le temps rester un petit fond d'eau. C'est vrai. Non, c'est n'importe quoi, ça prend exactement le même temps. C'est vrai. Ça prend 2 secondes de le mettre dans le passoir et de le remettre dans le chaudron. Quoi que s'il reste de l'eau, tu vas juste le laisser encore un petit peu plus longtemps sur le fond. Ben, ils vont peut-être être trop cuites. Peut-être être trop cuites. C'est ça l'affaire, c'est vrai ça. Le riz, ça colle souvent dans le fond quand tu le fais dans le chaudron, quand c'est du riz pré-cuit. Genre les enveloppes de Uncle Ben's. Je sais pas. J'ai déjà fait dans le chaudron, ça m'arrive. Ça m'arrive, juge-moi pas. J'ai pas de bouilloire, qu'est-ce que je te dis? C'est ça ou faire cuire? Au micro-ondes, ça? Ouais, je sais, mais moi, je sais. Mais c'est pas aussi bon à dire au micro-ondes. Je sais pas, j'aime juste pas ça. C'est trop salé. T'as raison, je suis très d'accord là-dessus. C'est rendu que je prends mes sauces pour pâtes avec faible en sel. Je prends les versions faibles en sel parce que je trouve ça trop salé. Ouais, c'est intense. C'est vraiment, vraiment mauvais, je trouve. Alors voilà, ça c'est des Barilla, pâtes pré-cuites, séchées en fait. C'est one pan, no drain, genre. Ensuite, ouais, un bruit de pète, comme on dit. Ça commence à dater un petit peu, mais comme j'en ai pas parlé encore, en fait, ça date moins que bien d'autres articles que j'ai fait jusqu'à maintenant, dont je devrais même pas dire, mais des fois, on prend du retard. McDonald's qui lance la collection Big Mac Lifestyle pour les fans de tout ce qui est au bœuf et au fromage, avec entre autres des papiers peints, des couvertures, etc. Donc, c'est ça, McDonald's, donc, qui a toujours son Big Mac, toujours aussi populaire, et Big Mac qui a maintenant sa propre collection de marchandises pour ceux qui veulent montrer leur goût ou leur manque de goût. La collection a donc tout, que ce soit du papier peint, comme j'ai dit tantôt, à des couvertures pour le lit, tout ça avec l'image du sandwich signature de la chaîne. Ça a été lancé au McWalk Fashion Show de Stockholm en Suède, et ça suit dans la lignée du succès des souvenirs thermiques Big Mac. À l'époque, c'est un produit que McDonald's en Suède avait fabriqué pour sa commandite de l'équipe de ski alpin et cross-country de la Suède. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir bigmacshop.se pour voir cette boutique de mais Big Mac. Je trouve que c'est incroyablement de mauvais goût. Mais c'est ça qui est drôle, c'est, non? C'est un pyjama pas... avec des hamburgers. Parce que c'est même pas beau. T'sais, ils ont même pas fait quelque chose d'esthétique. Il n'y a pas de design, c'est littéralement juste des hamburgers sur un fond blanc. Puis on s'entend, là, je m'excuse, mais la fille qui a des leggings avec des hamburgers qui s'en va faire son jogging, ça fonctionne juste pas. Elle est en train de s'étirer le burger. Elle s'étire les. Tu sais, on peut appeler les fesses des buns, des fois, les petits pains. Ouais, elle s'étire les petits pains. Moi, je trouve que c'est super hypocrite. Et non, ce n'est pas une blague de poisson d'avril à une chance, quand même. Voilà. Même donc, pour une blague de poisson d'avril, c'est de mauvais goût. Lancé dans 24 villes, c'est ça. Il y avait aussi pendant les célébrations, attends un peu. Ça a eu lieu ça récemment en Australie à Sydney. T'avais des balles, tu sais un ball pit là, où t'as des balles pour enfants où tu peux plonger dedans, mais en forme de café, de verre de café, McDonald's. T'avais un gros puzzle géant avec un Big Mac à Madrid en Espagne. T'avais un labyrinthe, le Joy Maze à Bucarest en Roumanie. Et t'avais le Mick Orchestra à Vienne, un orchestre qui, j'imagine, faisait des chansons thème genre I'm Loving It. Et t'avais le concert de Neo à Los Angeles, qui est pas vraiment le même genre de principe. Hey, t'as des bottes d'eau, hein? Des bottes d'eau. C'est cool. Un habit pour chien. Bref, bigmacshop.se. Et finalement, est-ce qu'on y va avec... est-ce que je vais avec ça? Non, ça me tente pas. Ça me tente pas, je pense que c'est assez. C'est assez. Ah, Steph, ok. J'arrête là. Tu m'arrêtes ça sur les jogging de burger. Ouais. C'est en masse, hein? Ouais. C'est le début d'une nouvelle saison. C'est notre première semaine en onde, on l'a dit. On est tous fatigués. J'espère que vous commencez à vous réveiller un petit peu pour essayer à vous rendre à vos cours. À cette heure-ci, j'imagine que vous êtes déjà en train d'entrer dans votre cours, sinon en retard, peut-être un peu, je pense. Ou ils attendent tous au Tim Hortons pour leur premier café de la journée. Ben, ça tombe bien parce qu'on veut parler de nourriture. Et quand on parle de nourriture à Assemblage Requis, ben, on appelle ça étrangement et ça n'a aucun rapport avec rien. Mais on appelle ça une grosse pointe d'adresse. grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à des produits achetés en épicerie ou en dépanneur. On appelle ça ici localement des produits du tiroir et non pas du terroir. C'est comme ça qu'on fait ça. Et Tania, Tania. Oui. Je sais que oui, pas Tania. Je sais que t'as jamais vécu cette chronique-là en personne. Non. Donc, il va falloir que je t'explique un petit peu. Je l'ai souvent entendu, par contre, j'en ai entendu parler. Oui. Et j'avais très hâte de la faire. Les lignes ne dérougissent plus. Et voilà. Non, c'est la collègue qu'on attend le plus. C'est pour ça qu'on la met à la fin de la semaine, pour se donner un petit bonbon à la fin. Tu sais, on a mérité ça après une semaine complète, sauf lundi. On devrait sérieusement se trouver une commandite d'alcool et en faire la dégustation au studio. Si seulement on pouvait agencer le mangeage avec le buvage, ce serait vraiment bien. Mais bon, on n'a pas ça encore. On va mettre la fille au pub là-dessus. Tania! Bon. Je m'en occupe. Je vais sortir le produit en dessous de la table. OK. Parce que tu sais, des fois, ce qui se passe en dessous de la table reste en dessous de la table, mais dans ce cas-ci, il faut que ça sorte. Mon Dieu, les gens vont penser plein d'affaires. Ah, c'est... Regarde, ils pensent bien ce qu'ils voudront. Donc, c'est ça, je te sors ça, attention. Papa, as-tu vu ceci? Mais c'est... Caméra 3. Oh, attends, là, je viens de voir les jujubes que sur le paquet. Ah, ça va peut-être te rappeler quelque chose, le nom de tout ça. C'est Cadbury Dairy Milk Marvelous Mixes présente avec Maynard's. Je sais pas s'il faut le dire dans un autre ordre. Okay? Je sais pas. Hein? Attends un peu. Cadbury Dairy Milk présente Marvelous Mixes with Maynard's. Donc, ce que c'est, si t'as vu les barres de chocolat avec des jujubes dedans, c'est des Marvelous Creations. Oui, et voilà. On a déjà fait la critique de ça dans une précédente chronique ici à Assemblage. Ça, c'est très bon. C'était super bon. Il y en avait aux bananes, il y en avait aux noix, il y en avait aux jujubes, il y en avait plein. Donc, ici, ils ont fait ça en sac, si on veut. Donc, c'est des Marvelous Mixes avec des bonbons Maynard's dedans. Non. Tu connais les jujubes Maynard's? Il y a des Cabbage Patch Kids pétillants, il y a des trucs... Des petits poissons, oui. Et tout ça mélangé avec apparemment des petites pastilles Cadbury. Tu sais, tu peux les acheter en sac, c'est aussi des pastilles Cadbury avec du caramel dedans ou des trucs comme ça. Oh mon Dieu! Donc ça a l'air d'être un mélange de chocolat et de jujube. C'est un sac de 200 grammes, ils appellent ça un mélange de friandises. Quand même, il y a des allergènes apparemment qu'il faut aller voir à l'arrière. Leur slogan c'est goûter, partage. Goûter. Ok, attends un peu, c'est drôlement écrit là. C'est goûter, comme à l'infinitif. Partage. Ok. Et non pas partager. Et joie. Okay. Moi, je trouve qu'il aurait dû choisir une catégorie. Est-ce qu'on prend des verbes à l'infinitif? Mais c'est peut-être juste la traduction. Hein? Des fois, sur les paquets, c'est vraiment mal traduit. T'as raison. En anglais, c'est snack, share, joy. Snack, share, au moins deux verbes, deux infinitifs. Donc, c'est nouveau. Sauf que, étrangement, pour des produits qui sont nouveaux, moi, ce qui m'attire en épicerie, c'est quand c'est écrit nouveau en grosses lettres puis en fluo. Oui. Tu comprends? Ici, c'est écrit en gris. As-tu vu? Il est là, là. Ah, mon Dieu, mais ça se voit donc bien mal. Absolument pas. C'est quasiment comme écrire blanc sur fond orange-jaune sur un journal, mettons. Ou gris vraiment foncé sur un fond noir. Ah, Mathieu? Comme le zone campus. Donc, c'est ça, c'est nouveau, mais ça en dirait une surprise. Que quand tu l'achètes, tu vois que c'est nouveau. T'sais. Ah, mais bon. Là, tu fais comme « Oh, hey! Hey » Il y a un stamp dessus qui dit que c'est nouveau. Donc, c'est ça. On nous dit à l'arrière ce que ça contient. Ça contient des Cadbury Dairy Milk Buttons. Ça, c'est des boutons de les petites pastilles de chocolat, juste straight pipe chocolat au lait là, de Cadbury. Ça inclut les boutons au caramel, ceux qui ont du caramel à l'intérieur. Évidemment. Nos préférés à tout le monde. Ensuite, ça inclut des Swedish Fish, les petits poissons rouges suédois. Celui-là, je les aime bien. Il y a apparemment de la gomme au Swedish Fish, ça va être ça. Hein? C'est vrai? Pour vrai. C'est vrai. Et aussi, à la fin, des Sour Patch Kids. Pareil comme il y a aussi de la gomme au Sour Patch Kids. Aussi. Oui, ça, j'en ai dans mon sac. C'est ça. Je pense que Cadbury, ils se sont dit, on a des opportunités dans différents domaines, puis on va prendre des produits qu'on a rachetés, parce que probablement, c'est pas eux qui ont inventé ça. Ils ont racheté ceux qui faisaient des Sour Patch Kids, des Swedish Fish, et ils se sont dit, on va faire de la gomme, sûrement qu'ils vont faire de la crème glacée, on va faire des biscuits à ça, on n'arrêtera jamais les produits dérivés, et les gens vont en acheter, puis on va faire plein d'argent. Ça va être super cool de faire plein d'argent. C'est un melting pot de plein d'affaires qu'on aime. Donc, en théorie, ça devrait être très bon. Ça devrait être bon. Donc, le seul allergène que ça disait que ça contiendrait peut-être, c'est écrit « ça contient du lait et ça peut contenir du soja ». Du soja. Faites attention à ça. Et c'est par la compagnie Mondelez International que vous connaissez pour plein d'autres produits. Je pense que c'est pas eux autres qui sont pas propriétaires de ceux qui font Kraft Dinner, eux autres, Mondelez International. Ah, tu vois, ma connaissance du Kraft Dinner s'arrête à « tu peux mettre des saucisses dedans ». Ah, ça existe. Donc voilà, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire dessus, rien d'autre, parce qu'évidemment, on lit jamais les instructions, les trucs nutritifs, parce que, Colin, sinon, on en mangerait peut-être pas, hein, t'sais. Donc, la prochaine chose à faire, c'est que je te passe ça dans le corridor anti-dégâts. Et voilà. Floup. Et tu nous ouvres ça dans le micro magique qui cette session-ci, est celui-là. Donc, tu vas nous ouvrir ça là-dedans, très tranquillement, et on va t'écouter ouvrir les Marvelous Mixes. Alors, tu fais ça comme si tu l'avais déjà fait mille fois. Ah, mais il est déjà ouvert, tu sais, comme... Il est déjà desnappé, là. Ouais, mais attendez, je vais le snapper. Il est déjà desnappé! Et voilà. Ouais. C'est merveilleux comme ça. Ah, j'aime ça, les cours dans le studio, quand on allume ce micro magique-là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais... L'odeur! Qu'est-ce que tu sens en premier? De ce sac-là. Le chocolat ou les jujubes ou le surette ou quoi? Le chocolat est très prééminent, mettons. Prééminent. Il passe à l'avant-plan. Ouais, c'est ça, et voilà. Après ça vient la petite odeur de surette. OK. Et je crois que ça découle des Sour Patch. Probablement. Mais vraiment, l'odeur du chocolat Cadbury. Mais je me demande si les Sour Patch Kids, les petites grenailles surettes, tombent sur le chocolat et collent dessus. Peut-être qu'on pourrait avoir un mélange. Oh, wow! Je peux te le confirmer juste à la vue des pastilles de chocolat. Mais on s'entend-tu pour dire que c'est une maudite bonne idée, cette histoire-là? En tout cas, on s'entend-tu pour dire que t'aimerais ça te ramasser enfermé dans une usine de Willy Wonka? Ah, tellement! Et le pire, là, Tania, c'est que je suis en train de regarder sur Internet, OK? Et je vois qu'il y a un deuxième sac. Non! Et peut-être même un troisième. On s'en reparlera après. On va goûter à celui-là en premier. OK, goûtons-y. J'y vais en premier ou tu y vas en premier? Prends-toi une poignée de n'importe quoi. Je me prends une première... Est-ce que tu manges la poignée au complet? Ben là, non. Non, mais sinon, c'est comme manger juste des Sour Patch Kids, hein? Ben, là, j'ai comme pogné deux Sour Patch Kids en plus. Attends, je vais me prendre un poisson, tu sais, pour vraiment goûter. Au moins un de chaque, hein? OK, voilà. OK. Moi, je pense que j'ai au complet en même temps. Ouais? Moi, je pense. OK. Moi, j'ai y aller étape par étape. Okay. Tu sais, un Sour Patch avec une pastille. OK. Puis par la suite... Tu trouves pas qu'il y a beaucoup, beaucoup de pastilles de chocolat comme plus que les autres affaires? Vraiment beaucoup, par exemple. Ça. Tu veux brasser le sac? Peut-être si on avait brassé avant de l'ouvrir. Je pense qu'ils devraient mettre des instructions. T'sais, ils mettent le nouveau caché, là, mais ils devraient marquer ouais. Brasser shaky. Avant. OK, j'y vais. OK, vas-y. Pour... c'est... Dans ma main, j'ai une pastille de chocolat et un poisson. Et la surprise va être, est-ce que c'est une pastille au caramel ou pas? Oh, ben oui, c'est vrai, hein? Hey, je vais faire la même chose. Moi, je vais prendre un Sour Patch Kids et un chocolat. Oh, j'aime ça, le mélange! Mmh. Du monde! T'as pas de gnagnant. Ça marche pas ensemble, mais ça marche tellement bien ensemble. Tu t'attends vraiment pas à ça. Non. OK, non, mais l'idée... C'est une pastille normale. Elle était pas au caramel. Moi, t'es au caramel. Ah oui? Est-ce que c'est très bon avec le caramel? Très, très bon. Ça coule dessus, là, dans ta bouche. Oh, wow! C'est bon. C'est bon, mais on dirait qu'il manque un petit quelque chose pour la combinaison chocolat et poisson. Mm-hmm. Le poisson, peut-être... on dirait que le mélange des deux, vu qu'il est peut-être pas surette, fait en sorte que ça fait... moins. Puis t'as mangé un jujube et un chocolat maintenant. Mm-hmm. Alors, je vais pour le Sour Patch et une autre pastille. Je tiens à dire que je sais pas encore s'il y a du caramel dedans. On y va. Tu pu faire un sandwich aussi. Ah, j'aurais pu. Ça dirait que c'est la communion puis qu'elle prend un hostie. Elle se met ça sur la langue comme ceci est mon corps. Et voilà. OK. Ça marche. Hein. La combinaison Sour Patch pastille est bien meilleure que la combinaison pastille et poisson normal. Juste sur le poisson normal, je vais l'essayer. Bon. J'ai pas ça. Ah, OK. Moi, ouais, je comprends. Tu comprends-tu? Ah, c'est bizarre. On dirait qu'il y a juste un goût de wine, un jujube dans la bouche en même temps qu'une mangée de chocolat. Mm-hmm. Mais le Sour Patch, vu qu'il y a du surette dessus, ajoute une petite touche que mes papilles gustatives aiment bien. Une alternative à ça aurait pu être de faire des Sour Patch Kids enrobés de chocolat. Ah, oh, mais ça aurait été très... Ben oui, comme les pretzels enrobés de chocolat, quoi. Et le popcorn enrobé de chocolat. Et tout. Quoi? Du popcorn enrobé ouais, de chocolat? Il y a ça. Mais je pense que c'est Cadbury aussi. Pour vrai, Cadbury, là, c'est une des compagnies, je trouve, qui change le monde en ce moment. Ah oui, tout à fait. Hein? C'est une révolution au chocolat. Génial. J'ai pas pogné de pastilles au caramel. Est-ce que t'en as pogné beaucoup? Oui, j'en ai deux sur trois. Oh, ouais? Environ, ouais. Regarde les autres sortes qu'il y a, OK? Il y en a qui ont des... Tu sais, les framboises, jujube. Avec les mêmes petites pastilles au chocolat, t'as aussi genre des, on dirait des bananes en jujube. Ah, les petites bananes là que t'as l'impression de manger de la guimauve. C'est ça. J'avoue que ça avec du chocolat, ça doit être vraiment bon. Trempé dans le Nutella, ça doit être tellement bon. T'as les Marvelous. Ah, attends, toi. Marvelous. Ah, regardons ça, toi. Aux États-Unis, ça s'appelle Marvelous Mix-Ups. Ah? Alors qu'en français, en tout cas au Québec, c'est Marvelous Mixes. Et voilà. Donc, il y en a un aussi avec des biscuits Oreo dedans. Des mini Oreo. Des petites pastilles, tu sais, les pastilles genre comme les Cadbury Eggs, mais plus plat. Là. Oui, oui, c'est oui. Passé de genre Cadbury Eggs, mélangé avec des Oreos. On dirait des Smarties aussi. Donc, il y a quand même plusieurs sortes. Moi, j'en ai vu seulement deux en épicerie. Je me rappelle avoir vu le mélange vert avec les... non, celui avec les Oreos, je l'ai vu en épicerie. Ah oui? Oui. Et celui orange avec les Swedish Fish, les Sour Patch Kids aussi à l'épicerie. Tout à l'heure, on parlait de ceux, les connus, quoi. Ceux mélangés avec les amandes, puis ceux mélangés avec les petits bonbons pétillants. Là. Ça, c'est bon. Avec les petits bonbons pétillants, je dois avouer que j'ai eu un petit coup de cœur pour ça quand je les ai goûtés. C'est pas mal bon, ça. Maintenant, dans une grosse pointe d'adresse, comme toujours, à la fin, après avoir goûté un produit, que je pense qu'on donne notre pouce en l'air tous les deux, je pense. Oui, tout à fait. Allons-y avec des nouvelles de fast-food. 7-Eleven, les dépanneurs aux États-Unis, qui vont tester un service de livraison. Parce que des burritos chauffés au micro-ondes, c'est trop arriéré. Il faut que tu les fasses livrer, tu sais. Dans un dépanneur, il n'y a pas grand-chose de très, très classe. Les couche-tards ont quoi? Des hot-dogs qui sont pas toujours nécessairement complètement cuits. Et des petits taquitos qui sont pas toujours nécessairement fraîchement faits, t'sais. Bref. C'est vrai. Donc, c'est ça. 7-Eleven qui va tester un service de livraison. Ça s'en vient. Ça a été annoncé dans un communiqué de presse. C'est un partenariat avec Postmates, une compagnie à San Francisco, qui s'est d'ailleurs assemblée avec Chipotle récemment, une chaîne de restaurants pour livrer dans certaines villes. Des dépanneurs de San Francisco et Oakland en Californie vont avoir donc un service de livraison sur demande via l'application de Postmates sur iOS. Une variété de produits de 7-Eleven vont être disponibles. On ne sait pas encore si ça contient les Slurpees, leur célèbre slush. Moi, je me ferais bien livrer une slush. J'avoue, te faire livrer de la slush, ça serait le comble de la joie. Si je peux me faire garantir que ça va arriver encore froid. Très, très froid. Là. C'est sûr dans que... Dans une glacière, probablement. Faudrait que tu sois très prêt pour pas que ça... Tu sais, pendant une canicule, mettons, je la ferais pas livrer. Non, c'est ça. Donc, c'est ça, on sait pas s'il va y avoir les burritos non plus. Là. On en parlait tantôt, mais quand même. Ça va arriver en une heure ou moins, les livraisons de chez 7-Eleven, nous disent-ils. Et après ça, ils vont augmenter ça si ça a du succès dans d'autres villes comme New York. Donc, voilà. Vous n'aurez plus jamais à quitter votre divan. Un 7-Eleven, on n'a pas ça au Québec. On n'a pas ça au Québec. Je crois même pas qu'on ait ça au Canada. Je crois pas non plus. C'est très américain. Si on faisait la comparaison avec le Québec, c'est comme si le couche-tard décidait de faire un service de livraison. Ça ressemble à ça. Mettons que je veux une slush, je veux du beef jerky. Oui. Évidemment. T'sais. Évidemment. Puis du popcorn au chocolat de Cadbury. Et voilà. En une heure. Tu pourrais te le faire livrer. Sûrement qu'il y a des frais. Par contre. Ah, mais peut-être, ils le disent pas. Hein? Déjà que le dépanneur, c'est toujours plus cher qu'ailleurs. Si en plus, il faut que tu payes des frais. Yeah, boy. C'est mieux d'aller au Walmart, finalement. C'est ça. Arby's, une autre chaîne de restaurants américaine ici qui introduit, qui présente pour la première fois du bacon à la cassonade dans son menu. Ah. Des bandes de bacon à la cassonade, ça a pas l'air génial et excellent. Il y a le Brown Sugar Bacon BLT. Un BLT qu'on voit en photo sur assemblagerequis.com. T'as le Brown Sugar Bacon and Roast Beef et le Brown Sugar Bacon and Pit Smoked Ham au jambon fumé. Dans un pit. Je pense que ça veut dire qu'ils l'ont fait fumer en dessous de la broche. Ouais, c'est comme une alternative au bacon, au sirop d'érable, ça. Peut-être, hein? Tu sais, vu que eux, leur sirop d'érable est pas très pur. Posture, ouais, exact. Disons-le comme ça. Mais j'écouterais. Pour une autre pointe à l'adresse, on devrait se faire venir du bacon. En une heure ou moins. Et voilà. Ensuite, tiens, j'ai trouvé un article assez intéressant. Je vous invite à aller le lire sur les pancartes aux États-Unis qui annoncent les restaurants à la prochaine sortie. T'sais, mettons, t'as Subway, t'as McDonald's, Taco Bell Express, peu importe, à la prochaine sortie. Et comment est-ce qu'un restaurant peut faire pour avoir son logo sur ces pancartes de sortie-là? Ça coûte environ, aux États-Unis, 300$ par année. Ah, c'est pas tant cher! C'est pas si cher que ça. Et les restaurants doivent avoir une licence du département de la santé aux États-Unis. Ils doivent être situés à moins d'un mile, un mille, de la sortie dans les grandes villes. Ils doivent être ouverts au moins 8 heures par jour et au moins 6 jours par semaine. Ils doivent avoir un minimum de 20 sièges possibles dans le restaurant. Ils doivent avoir des salles de bain publiques. Ils doivent avoir un téléphone disponible dans la place pour être utilisé pour la situation d'urgence par le public. C'est quand même beaucoup de facteurs à avoir. En effet. Mais quand tu y penses, ce sont tous des facteurs logiques d'être dans un restaurant. Un restaurant situé lors des proches des grands embranchements, voilà. C'est sûr que tu as besoin de tout ça et de rien de moins. Donc, je trouvais ça vraiment bien. Et allez voir l'article, il y a plus de détails là-dessus. Ensuite... Ça, c'est étrange un peu et même, je dirais, assez déprimant. Il y a beaucoup de détails, je vais en passer plusieurs, là, mais Bumblebee Foods va payer 6 millions de dollars à un travailleur qui a été tué dans un pressure cooker, un cocotte minute, genre un truc pour faire cuire du thon. Exactement, du chunk light tuna de Bumblebee. Donc après presque 3 ans, environ après qu'un travailleur a été tué chez Bumblebee Foods, alors qu'il était barré dans la machine qui faisait la cuisson. Son employeur va devoir payer 6 millions pour avoir enfreint les règles de sécurité. C'est annoncé par le Los Angeles County District Attorney's Office. C'est ça, le reste des détails. C'est un homme de 62 ans. Il était pris dans un four de 35 pieds à Santa Fe Springs, leur usine à Santa Fe Springs. Est-ce que tu as vu la température du four dans lequel il était pris? 270 degrés Fahrenheit. Ça? Il devait faire chaud dans la cabane. Mais hein, il était à l'intérieur de la machine pour la réparer. En fait, c'est une machine utilisée pour stériliser les cannes de thon. Pas pour faire cuire, désolé pour l'erreur que j'ai faite tantôt. Donc, les autres travailleurs n'avaient pas réalisé qu'ils étaient à l'intérieur. Ils ont mis un paquet de choses qu'ils étaient supposés mettre dedans. Ils ont fermé la porte, ils ont démarré le four pour faire stériliser les cannes. Et la température s'est rendue à 270 degrés Fahrenheit et le gars à l'intérieur est mort. Évidemment, ça a rajouté de la saveur à toutes les cannes de thon. Mais ils n'ont pas vérifié si. Ça, ils ont juste pas. Ils n'ont rien fait. Eux autres, j'imagine qu'il y avait une procédure, puis il n'a pas été suivi. Le gars était à 62 ans, peut-être qu'il n'a pas entendu s'ils ont crié. Ben, peut-être, mais tu sais, un petit Marco! Polo! Tu sais? Ah, j'aurais dû allumer le micro de Marco! Voilà, avec Polo. Toi, si tu cries dedans, je pense qu'on va vraiment, vraiment bien t'entendre. Polo! Eh bon! Donc voilà, pour cette nouvelle-là, passons à autre chose. La compagnie derrière la gomme Fruit Stripe Gum, on connaît pas ça. Il y a plein d'affaires qu'on connaît pas dans cette chronique-là, mais que voulez-vous. Donc Fruit Stripe Gum va poursuivre une compagnie de cigarettes électroniques parce qu'ils ont fait une saveur alors de Fruit Stripe Gum. Non. C'est quand même intelligent de la part d'une compagnie de cigarettes électroniques de faire des saveurs que les gens connaissent déjà, comme un Swedish Fish ou du chocolat au lait Cadbury. Une vapoteuse au chocolat Cadbury. Je sais qu'il y a du monde qui ouais, c'est ça, qui se mettrait à la vapoteuse. C'est donc Ferrera Candy qui est reconnu pour sa gomme. Ferrera a dit dans une plainte que Trinity Sun Inc. a utilisé le nom Fruit Stripe et un design, le design dans le fond des gommes sans autorisation de Ferrera selon le Chicago Tribune, violant donc une marque de commerce. Le Tribune dit que la saveur a été plus tard changée pour le nom Striped Gum à la place de Fruit Stripe Gum, qui était un nom déposé. Tu peux faire ça, là, changer le design un petit peu. Si tu modifies comme 30%, je pense que genre ça t'appartient. Ah, voilà. Évidemment, ne pas utiliser la marque de commerce, c'est une bonne chose. Mais bref, c'est ça. La gomme est pour les enfants. Donc, eux se disaient que s'ils utilisaient leur marque, ça pourrait faire que les gens penseraient que c'est un produit pour les enfants. Ce genre de truc-là. Est-ce que le montant de la poursuite? Je ne vois pas le montant de la poursuite. Mais bon, peu importe. Ensuite. Je viens de trouver les si tu me permets, les hot dogs faits dans des croissants. Oh boy! Faits par Sonic. Oh man! Sonic Drive-In. Ça semble être excellent. C'est un croissant au fromage. C'est pas un croissant au fromage. Par contre, il offre bacon double cheddar. Oh! Mais là, juste l'original, qui est un croissant normal avec une saucisse normale puis un peu de moutarde sur le top. C'est quand même 380 calories. J'ai dit qu'on parlait pas de calories dans cette chronique-là, Tania. Je sais. Tu veux savoir combien est celui au bacon et double cheddar? Oui. 510 calories. Oh. Mais c'est quand même un hot dog dans un croissant. C'est comme si c'est le summum de tout ce que tu pourrais imaginer. Tous mes rêves exaucés en même temps. Ça me semble très bon. Puis c'est vraiment pas cher. C'est comme 3,49 pour un jumbo. Là. On n'a pas de 7-Eleven, on n'a pas de Hardee's, on n'a pas de Carl's Jr., on n'a pas de Denny's, on n'a pas de... Là, c'était quoi? Sonic Drive-In. On devrait... Qui vend des hot dogs? A&W? Valentine. A&W? A&W, oui, ce serait bien. A&W pourrait se mettre sur une semblance... Ça aurait au moins un peu de classe parce que A&W, c'est bon. Valentine, voilà. Pour du gras pas de classe, eux, ils seraient capables de le faire aussi. Pareil comme Sonic, parce que Sonic, ça a sûrement pas mais de les croissants, ils seraient vraiment très... secs. Gras. Gras, ouais. Tu sais, ceux-là, sur la photo, ils ont pas l'air si pire quoi que c'est une photo. Mais quand... C'est ça. Fuis-toi pas là-dessus, c'est un rendering en 3D. Voilà. Un couple dit avoir commandé un double cheeseburger chez McDonald's et à la place, ils ont reçu une débarbouillette, une guenille. Quand tu places une commande dans un restaurant, ça arrive de recevoir la mauvaise commande, surtout chez McDonald's, je pense qu'on s'entend assez. Donc la paire, le couple dit chez ABC 7 WLS à Chicago que le double cheeseburger qu'ils ont commandé à leur restaurant McDonald's local était finalement une débarbouillette. Le couple a commandé au service à l'auto. Ils sont retournés à la maison pour le manger. Après avoir déballé tout ça, ils ont appelé le restaurant. Dans le fond, ils ont dit au téléphone, ben venez nous voir, on va vous donner un autre McDouble. Non, mais c'est pas ça le but, là. C'est pas, t'es pas supposé avoir une débarbouillette dans ton truc. C'est que quelqu'un a mal fait sa job, il faut que tu le sacs dehors. Pas mal fait sa job, intentionnellement mis une débarbouillette dans un papier. Un hamburger. Papier. Ça, c'est quelqu'un qui a volontairement fait ça. C'est pas une gaffe, là. Oups, je me suis enfargé, puis la guenille est tombée dans le papier. Non, mais on peut dire comment les clients ont agi devant la petite serveuse. Ah, ça, c'est vrai, ça. Peut-être quelqu'un qui a fait mauvaisement. Faut toujours se dire que ce genre d'affaire-là arrive à cause de quelque chose. tu sais, le gars a sûrement pas décidé d'envelopper une serviette juste pour qu'elle soit ça drôle. Si le gars était juste pas dans sa journée, mettons, il était juste fâché contre la vie puis il a décidé de faire ça. Moi, je sais pas si je blâmerais la victime, ça. Blâmer la victime, je suis pas sûr que je blâmerais le gars non plus. C'est un bon débat. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Hein? Ils sont en ligne avec nous, justement. Voilà, allons leur demander. Ensuite, tiens, pourquoi ne pas ajouter de l'alcool à de la root beer? C'est ce qu'on s'est toujours demandé, pourquoi il n'y avait pas de l'alcool dans toutes les liqueurs. Hein? Oh. Pourquoi pas? Surtout qu'au Québec, on appelle ça de la liqueur, alors qu'en anglais, liqueur, c'est de l'alcool. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. T'as raison. Tu peux pas me contredire là-dessus. Là. Ça se peut pas. Et j'aime bien le slogan anglais sur la boîte. Oui. C'est vraiment marqué « Not your father's root beer ». C'est pas la racinette de votre père. Et voilà. C'est bien ça, racinette root beer. Hein? Oui. Je mélange tout le temps entre root beer puis l'autre, le spruce beer. Le? La bière d'épinette. La bière d'épinette. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas bu de bière d'épinette, Tania. Mais c'est tellement pas bon. Ben, dans le temps, je trouvais ça bon. Ça dépend de la marque. Ah. C'est comme le soda gingembre. Le ginger ale. Ginger ale. Ça dépend de la marque. Quand tu prends du ginger ale qui est marqué à la vraie méthode, la méthode ancienne, moi, je trouve que ça goûte le cul parce que j'aime pas le vrai gingembre. J'aime pas ce que ça fait dans mon nez. C'est parce que ça débouche pas mal, c'est le gingembre. Ça. Quand t'as plus de voix, tu prends du gingembre. C'est parfait pour des situations comme celle-là, mais dans la vraie vie, quand je bois du ginger ale, il faut que ce soit du ginger ale fake, genre... Canada Dry. As-tu goûté le Canada Dry dark, genre? Non. Il est bon. Ah oui? Plus sucré. Ah, plus sucré encore. Genre. Donc, une combinaison qui a du sens, root beer, bien sûr, et alcool. Donc, ça s'appelle évidemment de la hard root beer, un peu comme ils font avec de la hard lemonade, Mike's Hard Lemonade, on connaît ça. C'est une petite microbrasserie qui a déjà fait parler d'elle par le passé, parce qu'elle s'est rendue assez populaire comme place. Not Your Father's Root Beer, de la Small Town Brewery à Wakanda, en Illinois, qui est présentement sur le marché aux États-Unis. Selon Bloomberg, ça pourrait être difficile à trouver, même si vous allez aux États-Unis. Mais il y a d'autres compagnies, d'autres microbrasseries qui font leur propre version. Même les snobs de la bière pourraient apprécier cette hard root beer. Elle a eu 94%, okay, sur le site Beer Advocate, qui ramasse des critiques de différents critiques, finalement, pour faire un ramassis. Est-ce que tu as vu qui voudrait s'en approprier les droits? Parlement, donc. La Pabst. Pabst Blue Ribbon? Ouais. Est-ce qu'ils vont gâcher la recette, tu penses? Ben, c'est de la Pabst. C'est de la Pabst. C'est rarement positif comme commentaire. Peut-être que ça va goûter plus lourd. Ça goûte la vape, tu sais, mais oui. Mais il y a quand même 20% d'alcool. Ça peut aller jusqu'à 20% d'alcool dans cette petite bouteille de root beer. C'est beaucoup, ça. C'est hein? Prends pas 12. Mm-hmm. Maintenant, Dunkin' Donuts, on n'a plus bien en Mauricie. Là. Je pense qu'il y en a juste à Montréal, les Dunkin' Donuts, mais qui vont abandonner les verres de styromousse en 2016 partout au pays, aux États-Unis. Ce qui est surprenant quand même, parce que Dunkin' Donuts était comme parmi les derniers à avoir des verres en styromousse. Et on sait tous que le styromousse garde le café plus chaud plus longtemps qu'un verre de carton. Définitivement. Donc, les gens vont chialer contre ça parce qu'ils veulent aller au travail à 2 heures de route puis leur café, il faut qu'il soit encore chaud. Achetez-vous un thermos, viande à chier. Mais là, j'ai comme compris que Dunkin' Donuts allait acheter Tim Hortons. Ah, c'est déjà fait, non? Oui. C'est ça, ici. Je pense. C'est fait ici. C'est hein. fait ici, mais chez Tim Hortons, il n'y a pas de styromousse. Non, mais c'est quand même très drôle parce qu'on a exclu toutes les Dunkin' Donuts du Québec. Québec. Ouais. Puis là, ils sont comme... propriétaire de Tim. On vient vous racheter les Tim Hortons. Alors, donc, Dunkin' Donuts qui avait, annoncé qu'à New York, ils allaient bannir les verres de styromousse et les contenants en styromousse pour leurs différents repas. Et la compagnie pourrait amener ces nouveaux verres de plastique recyclable au reste du pays. Eux, donc, c'est des verres de plastique recyclable, pas du carton, là. Plastique recyclable. Donc, pour remplacer le styromousse à New York, ça n'a pas été facile, selon le Huffington Post. Ils ont fait plusieurs tests avec des verres de carton à double couche pour essayer de trouver quelque chose de pas cher et de jetable. La compagnie, finalement, a trouvé des contenants faits de polypropylène, un type de plastique recyclable, contrairement au styromousse qui n'est pas recyclable du tout. Ces verres-là pourraient être, donc, dans le futur de Dunkin' Donuts à travers le pays. C'est testé présentement dans le Massachusetts, le Vermont et la Californie. Dunkin' cherche aussi d'autres alternatives avec le but donc d'éliminer complètement le styromousse d'ici 2016. Ça économiserait donc de la place dans les sites d'enfouissement sanitaire. On dit qu'ils vendent 30 tasses verres de café par seconde. Oh, quand même. Chez Dunkin' Donuts. C'est beaucoup. Vraiment. Ensuite de ça... J'ai vu l'article... qui parle des Chip Lays, mais c'est aux États-Unis. Oui, les saveurs sont pas pareilles au Canada. Hein? C'est ça, mais le concours est là, là. Oui. C'est en train de se faire. Ici, on devrait sérieusement penser à... J'y ai pensé l'année passée, puis je l'ai pas fait parce que je suis trop lent, mais on devrait le faire. Sur eBay, ils vendent des sacs de Lays Do Us a Flavor US Edition. Mais on devrait essayer de les trouver. C'est parce que j'ai déjà essayé de les trouver, mais je sais pas où on peut les trouver. Je suis pas sûr que c'est juste sur eBay. Ah, tu crois? Mais même pour les goûter? Tu sais, pour voter, là. Ah, pour y voter, non, je pense pas qu'on puisse voter. Parce que là, il y a comme... Il va falloir une adresse. Poulet au beurre. Ça, c'est au Canada, poulet au beurre. Ouais, c'est ça. Oh, mais ceux du Canada, on devrait les goûter, là. Ben, celle du Canada, on devrait les goûter, mais en même temps, toutes les émissions de radio du monde au Québec, ils ont goûté. Fait que je sais pas si on va faire ça. Mais ouais, mais nous, c'est dans la pointe à pizza. C'est vrai. Grosse pointe à l'adresse. Aux États-Unis, OK? Ah non, je suis sur le site du Canada. Attends un peu. Est-ce que je peux aller sur le site américain? Parce qu'il me bloque, il me re-forward. Attends un peu. Mais il y a quand même des Lays au giro aux États-Unis. Tu sais, comme... on entend souvent la pub du El Taouk ici. Ouais. Bon, mais t'as des Lays à ça. Ça doit être quand même très bon. Non, je trouve pas la page. Bref. Ils ont le fameux Smoked Meat aussi. Oui, c'est ça. C'est Biscuits and Gravy. Donc, genre le petit pain de restaurant et sauce, on dirait Alfredo, béchamel, je sais pas quoi. Ouais, c'est... Truffle Fries, des frites épicées style, je sais pas si c'est... Grec. T'as Reuben, New York Reuben, un peu comme notre viande fumée. Ouais, c'est un peu comme nous, notre Montréal, le spécial Montréal. Exact. Mais c'est de New York. Et le Greek Town Gyro, dépendant de comment vous le prononcez, qui ressemble un petit peu à du Kojax. Je goûterais à lui, moi. En premier, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Mais pour vrai, commander celle des États-Unis, on devrait s'en reparler puis faire pour. L'année passée, le gagnant, c'était wasabi et gingembre. Tu vois, je suis pas sûr. J'ai dit tantôt que j'aimais pas le gingembre. Je sais pas si mais ça doit être vraiment pas bon. Pas sûr. Alors, on va terminer avec quelques petits derniers, rapidement. La Fuego Box. Pour ceux qui aiment la nourriture épicée, Fuego Box, c'est disponible 4 fois par année ou encore une fois par mois. C'est un service qui va vous livrer à la maison des trucs piquants. Oh. Donc, deux bouteilles de sauce, quelques échantillons, un petit carnet pour prendre des notes. Et après ça, chaque paquet va arriver avec 3 bouteilles complètes de sauce piquante. Pas besoin d'engagement à long terme. Tu signes pas un contrat de 3 ans. Tu peux y aller un mois à la fois. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, les boîtes Uno Dos Tres avec de la sauce piquante. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est vrai, mais il faut vraiment que tu veuilles manger épicé, hein? Tout le temps, genre. Tout le temps, mettons. Mais ça se tient longtemps, au moins, ça se garde longtemps. C'est vrai, hein? Les sauces comme ça, ouais. c'est pas des choses qui périment rapidement. Absolument pas. Tantôt, on a mangé des jujubes en début de chronique avec notre produit de la semaine. Les gummy pizza. Viens donner à votre pizza party la fin parfaite avec un petit dessert. Chaque tarte mesure 8 pouces de diamètre et ça vient avec des gummies comme garniture. Et ça fait 1300 calories par pizza pour 12$ qu'on peut commander en ligne. T'as même pas à la faire toi-même, tu la fais livrer. Mais ça doit être tellement sucré. Ah, miam. Je fais juste regarder la photo, là. Déjà en partant. Un petit haut le cœur. Ouais, ça m'attaque de trop de sucre. Et pour terminer, McDonald's au Japon, qui est rendu très, très fancy, ça s'appelle Restaurant M. Et pour une journée à Tokyo, ils ont servi des repas complets, je sais pas combien de couverts, mais tu sais, avec des couverts, donc des ustensiles et des assiettes, avec de la nourriture de McDonald's. Selon Weekly, Asky, Bimi et Sorida, le menu complet était servi sur des assiettes, mangé avec des ustensiles. J'ai rarement mangé ce McDonald's avec des ustensiles, je pense que je me ferais juger un peu. Donc, par exemple, il y avait de la vichyssoise faite à partir de frites de McDonald's et une gelée fabriquée à partir des légumes de McDonald's. Légumes toujours aussi frais. Il y a tout été glacé dans un verre à vin, une coupe. En fait, c'est pas vraiment une coupe, ça, mais bon, un verre à vin. Ouais, un verre à vin. Et il y a une assiette de différents petits pâtés de McDonald's. Évidemment, c'est la viande dans le milieu du burger, mais sur un cure-dent avec légumes par-dessus. Il y a des petites sauces à tremper. J'imagine sauce moutarde forte, probablement barbecue, aigre douce. Ouais, il y a plein de photos. Le dessert, c'était des bleuets mélangés avec des fraises et des biscuits Oreo dans du yogourt, je le crois. Il y avait aussi du café qui était servi. Le restaurant M était ouvert le 27 juillet au Roppongi Hills, au McDonald's de Roppongi Hills. Ils ont servi 10 groupes de 20 clients sélectionnés via le site web japonais de McDonald's. Est-ce que t'as vu comment ils ont servi leur McFlurry? Non. C'est comme dans une coupe semi en cristal. Wow. Ça, ben honnêtement, tu sais, déjà en partant, je regarde les photos qu'il y a sur le site internet de kotaku.com. J'imagine qu'il fallait que je le dise avec un accent japonais. Alors voilà, c'est fait. Il y a quand même des bouts avec du poisson, des avocats. C'est, c'est vraiment fancy. Là. Mais déjà en partant, tous les McDonald's changent selon la région où tu es en temps normal. T'as du spaghetti ailleurs. C'est ça, tu sais, dans les îles, là, ils font bien du homard, puis bien du poisson. Donc, j'imagine en partant que si t'es au Japon, ils te servent quasiment des sushis au McDo. Je pense pas. Peut-être. Mais si on regarde la photo, ça ressemble vraiment à ça. C'est vrai. C'est construit pour avoir l'air de ça. Alors, vraiment fancy, hein? Les liens de tout ça sur assemblagerequis.com. On a parlé de beaucoup de choses dans cette chronique-là. Et on a goûté le produit, je vous le rappelle. Cadbury Dairy Milk présente Marvelous Mixes with Maynards. Donc, disponible en épicerie. Voilà, pour une grosse pointe adresse, on fait ça les jeudis à Assemblage Requis. Bon, te voilà enfin arrivé, Tania. Finalement. Enfin, après autant de temps avoir eu Stéphanie, on la remercie évidemment de sa participation à l'émission, mais là, t'es arrivé, tu vas être là pour la prochaine émission, la prochaine fois qu'on va se parler, toi et moi. Mm-hmm. Tu vas être là tout le long. Tout le long. Qu'est-ce qu'on va ajouter après le foyer, le spa et la peau de caribou? Je me demande même ce qui peut être dit ça. Je sais pas, hein? Parce que nous, pour animer l'émission de meilleurs moments comme ça, il faut être le plus confortable possible. On se prend pas trop, là. On est pas snob, là. Non. On fait ça chill. Il faut pas. C'est ça. Une grosse pointe d'adresse, ça n'a pas de temps. Non, exact. C'est ça. Bon, on se retrouve la prochaine fois. Il y a 3 émissions d'une grosse pointe d'adresse pour cette saison. Donc, retrouvez les liens sur assemblagerequis.com. Puis merci, Tania. Merci, Mathieu. Chill again next time. Ben oui, joyeuse fête, tout le monde. Ouais.